Donc c'est une histoire qui est assez différente. Je pense que cet épisode, on voulait l'appeler Perles Vos, Perceval Strikes Again, parce que ça, je trouve, il y a déjà l'idée que Perceval revient, parce qu'il a été remisé pendant la première moitié du roman, puis aussi, c'est vrai que ça me fait un peu penser justement à Batman Strikes Again, la violence un peu bête et proto-fasciste de Frank Miller. Il y a un peu de ça, il y a le fanatisme brutal, l'antisémitisme, on n'en a pas beaucoup parlé, mais il y en a pas mal. On en a un peu, vous avez peut-être un peu remarqué, mais cette opposition entre la nouvelle loi et l'ancienne loi, où on massacre des païens et ou des juifs indifféremment, c'est quand même quelque chose qui revient. Il y a un évangélisme forcené où on va vraiment trucider ceux qui n'acceptent pas la nouvelle loi. Un focus sur les reliques, un focus sur la sainteté, la chasteté. Et du coup, je pense qu'on peut comprendre pourquoi certains pensent que l'auteur est un peu névrosé, parce que c'est vrai que quand on voit l'intersection de tous ces thèmes, on se dit peut-être que c'est pas exactement le même ton que la plupart des... Si vous comparez avec les continuations, par exemple, vous n'êtes pas dans le même univers. Sans vouloir abuser, il me semble pas que vous soyez provençal non plus. Non, provençal, c'est mon nom. Perceval. Perceval, ouais, qu'est-ce que j'ai dit? Provençal. Non, Perceval, je suis gouré. Now stand aside, worthy adversary. Tis but a scratch. A scratch? Your arm's off. No, it isn't. But what's that then? I've heard worse. You liar! Come on, you pansy! Pas foutu de savoir ton nom. Victory is mine. Et on peut savoir depuis quand vous arpentez la Bretagne en racontant à tout le monde que vous appelez Provençal le Gaulois? J'en sais rien, moi. Et si ça se trouve, il dit jamais la même chose. N'empêche que tout le monde parle de moi. C'est quand même un signe. Perceval le Gallois, en tout cas, tout le monde s'accorde à dire que c'est une tanche, et ça, c'est pas une légende. Rex Quondam, Rexque Futurus. Épisode 11, Perles Vos ou le Haut Livre du Graal. Bonjour à tous et bienvenue dans Rex Quondam, Rexque Futurus. Bonjour Antoine. Bonjour Laïs. Et bienvenue pour une deuxième année, une deuxième saison de Rex Quondam, Rexque Futurus. Il y a un tout petit peu plus d'un an, en février 2017, nous lancions cette émission arthurienne qui vous a déjà gratifié de dizaines d'épisodes plus un hors-série. Oui, ça fait déjà un an, j'ai eu un peu du mal à réaliser comme le temps passe vite ou très lentement, suivant comment. Mais oui, on a quand même eu le temps de couvrir pas mal de terrain, en fait, avec cette première année déjà, hein, vu qu'on a quand même complété une vision assez étendue sur Chrétien de Troyes, sur Robert de Boron et ses œuvres. On pensait quand même qu'on arriverait peut-être à Mallory en une année, mais c'était peut-être un peu optimiste. C'était très optimiste. Et puis c'est peut-être justement plus intéressant de regarder des œuvres dont on parle moins que les classiques éternels qui sont presque trop connus, puisque maintenant c'est ça le standard anglo-saxon. Et aujourd'hui, on va vous parler d'une œuvre un petit peu moins connue et un peu bizarre peut-être, le Perles Vos, qui n'est pas le titre qu'il se donne, mais c'est le nom qu'il donne à Perceval. Donc comme c'est un terme court, on l'utilise souvent, on dit Perles Vos. Le nom original, en fait. Le titre qu'il se donne lui-même, qui est le Haut Livre du Graal. Le Haut Livre du Graal, qui est un titre très joli, peut-être un peu trop long pour l'usage. Si vous le cherchez, vous cherchez des documents dessus, c'est vrai que vous aurez peut-être un peu plus de chance avec le Perles Vos, parce qu'il est plus spécifique, et Haut Livre du Graal, parce que ça vous ramène des trucs qui ne sont pas le Perles Vos. Voilà. En anglais, par contre, c'est peut-être un peu plus... le Perles Vos est un peu moins utilisé, parfois... Enfin, suivant comment, suivant les éditions, si on vous parle de l'un ou de l'autre, sachez qu'ils sont interchangeables, à la condition d'avoir vraiment ce titre de Haut Livre du Graal. Donc il s'agit d'une... On va peut-être déjà expliquer un peu ce que c'est que le Perles Vos. Donc c'est une histoire de Perceval. C'est une espèce, je dis bien une espèce, c'est une espèce de suite du conte du Graal. Il aurait été écrit après le cycle de Robert de Boron, donc il y a cette idée de lignage du Graal à partir de Joseph d'Arimathie, il y a des idées qui viennent des continuations. Donc tous ces textes qu'on a vus avant, le conte du Graal, les continuations, le cycle de Robert de Boron et donc le Perceval en prose, sont clairement une influence là-dedans. Maintenant... C'est possible qu'il date juste d'après 1210, ou quelque chose comme ça, début du XIIIe siècle, mais c'est tout à fait possible qu'il ait été écrit après l'élaboration du Lancelot Graal, qui est donc le cycle de la Vulgate, le grand cycle en prose du Moyen-Âge. Et il est donc parfaitement... Ça dépend, en fait. C'est-à-dire que soit ce serait un témoin archaïque avant le succès de ces grands cycles, qui auraient survécu comme ça. Soit c'est possible, et il y a des gens qui sont relativement très éduqués sur le sujet, comme Ferdinand Lo ou Fadim Bogdanov, qui a beaucoup travaillé sur la Vulgate et la post-Vulgate, qui serait un remaniement de la Vulgate. Donc des gens qui ont quand même beaucoup travaillé sur ces sujets pensent possible qu'il ait été écrit dans les années 1230. Donc après le succès de ces cycles. C'est difficile à démêler, et c'est un de ces cas où on vous a dit que c'est très difficile de faire une chronologie absolue, parce que le problème c'est que s'il date vraiment de 1210, c'est là qu'on va voir apparaître pour la première fois certaines choses, comme par exemple la bête glatissante, qui est devenue un motif courant dans les littératures arthuriennes, mais s'il a été écrit après le Lancelot Graal, bah, il a juste repris ce motif, donc ça peut poser un peu problème. Ça peut poser des questions d'interprétation. Il faut aussi dire que c'est une suite du conte du Graal. Il reprend l'aventure plus ou moins là où, disons, pas tellement avec les aventures de Gauvin qui ne sont pas mentionnées, mais vraiment au moment où Lancelot... Il reprend l'aventure pas vraiment à la fin des aventures de Gauvin comme le fait la première continuation, mais vraiment à celle de Perceval, en fait. Il n'y a pas tout le... On ne parle pas vraiment de ce qui s'est passé après que Perceval soit arrivé à l'ermitage de son oncle, alors que par opposition, justement, la première continuation et ensuite la deuxième vont vraiment suivre précisément. Là, on est vraiment dans une suite un peu plus, disons, dans les grandes lignes, l'aventure s'est passée telle qu'elle s'est passée chez Chrétien, mais il y a quand même des divergences assez fortes, ce qui peut pousser à se demander si, justement, la source est bien Chrétien et pas... parallèle ou repris de quelque chose qui a réinterprété Chrétien ou d'une réécriture de Chrétien. Il faut dire aussi que le Père Lesvos, contrairement à Chrétien, est en prose et pas en vers. Il faut dire, c'est pas forcément une suite, mais disons, ça part du principe que le conte du Graal s'est déjà passé. C'est-à-dire que ça commence où tout le monde dit « Ah, il y a un chevalier qui a vu le cortège du Graal et qui n'a pas posé la question. » Tout le monde est au courant de ça. Et l'histoire reprend là. Et donc la première moitié de l'histoire, c'est justement tout le monde qui cherche Perceval sans trop savoir... on confond beaucoup son identité, en fait. On ne sait pas qu'on cherche différents personnages qui sont en fait toujours lui. Et je pense que d'ailleurs, ça reprend le conte du Graal après qu'il ait été chez son oncle, mais je crois que c'est pas complètement vrai parce qu'il va de nouveau chez son oncle ermite là. Et il précise pas exactement s'ils se connaissent déjà ou. Il y retourne, mais enfin, il est mentionné quand même, jusqu'à ce qu'il apparaisse, il est mentionné sur des identités un peu secrètes par lui fait, justement. Et là, il est pas vraiment. Je crois qu'il est chez son oncle, en tout cas. C'est la première fois qu'on entend parler de lui, c'est ce chevalier par le fait qu'il est chez son oncle. Donc le sous-entendu, c'était peut-être justement que c'était à peu près à ce moment-là. Mais par exemple, les idées, par exemple, voilà, le discours théologique que son oncle lui faisait sur le fait que son péché primordial, c'est d'avoir quitté sa mère, bah là, ça a complètement changé parce que sa mère n'est pas morte. Bah oui, justement, c'est sa mère n'est pas morte, elle va avoir pas mal d'aventures, il a aussi une grande fratrie, enfin sororité, il a une sœur qui a un certain rôle dans l'histoire. Et il a beaucoup, beaucoup d'oncles, en fait, et beaucoup de parents. On reprend cette idée des 12 frères qui descendent du lignage de Joseph d'Arimathie et qui ont il y a un méchant dans les frères. Enfin, je crois qu'il y a 12 frères du côté d'Alain Le Gros, son père, et après, il y a les quelques frères de sa mère, du côté de Joseph d'Arimathie. Mais je crois que les 12, c'est du côté d'Alain Le Gros. Il a 11 oncles paternels et quelques oncles maternels. Qu'on voit assez régulièrement, effectivement. Il y a le chevalier, le roi... pêcheur, mais il y a aussi le roi du Chastel Mortel, le roi du Château Mortel, le roi ermite, justement, Pélès. Là, c'est Pélès, c'est le roi ermite, qui a lui-même un fils qui s'appelle Josias. Et il y a encore, évidemment, le roi du Chastel Mortel. En fait, c'est un peu le méchant de l'histoire. C'est le grand méchant. La première partie du récit. Le récit, justement, il est assez long. Mine de rien, c'est de la prose, donc c'est vrai que c'est facile de raconter des épisodes à la suite. Il est divisé en un certain nombre de branches, entre 11 et 12 branches selon l'édition qu'on veut bien prendre. Alors il est séparé, on va parler des éditions dans un instant, mais il est séparé en 11 branches. Il y a un manuscrit qui est celui de la base de l'édition Lettres Gothiques qui coupe la branche 6 en deux. Ils ont appelé la branche 6 bis pour éviter de changer la numérotation, c'est quand même plus pratique. Il s'agit, pour vous donner l'histoire dans les grandes lignes, vous avez un premier grand tiers qui va des branches 1 à 6, où il y a une branche introductive où Arthur part à l'aventure, ce qui est assez inhabituel, Arthur étant actif, il est dans un rôle où il va chercher l'aventure, on vous racontera plus en détail, mais ça déclenche ça et on dit « il faut que tu refasses des grandes célébrations à ta cour, des grandes fêtes à ta cour, parce que tu as laissé aller ton devoir de monarque ». et ça déclenche un peu l'aventure, et tout le monde se met à chercher ce chevalier qui aurait pas posé la question au château du Graal. Il y a des gens qui attendent un bon chevalier qui les sauvera, il y a la veuve d'âme qui veut des nouvelles de son fils. Tout le monde court un peu après Perceval, mais ne le trouve pas. Il est en fait blessé dans l'ermitage de son oncle, en train de récupérer, et donc tout le monde lui court un peu après sans trop savoir qui il est. Il y a des aventures de Gauvin notamment à ce moment-là. Deuxième tiers de l'histoire, c'est surtout les branches 7 et 8, enfin c'est pas une partition absolue, mais surtout les branches 7 et 8, entrée en scène de Perlesvos, qui va, après les échecs de Gauvin et Lancelot au château du Graal, c'est-à-dire que d'autres chevaliers y vont et n'arrivent pas pour diverses raisons, soit parce qu'ils échouent à poser la question, soit parce que Lancelot, à cause de son amour pour Guenièvre, en fait, n'est pas digne d'accéder au château du Graal, ils vont échouer. Perceval, on pense qu'il va le faire, c'est vraiment sous-entendu, la tension, en fait, il y a vraiment, jusque-là, on monte la tension pour dire Perceval, il faut qu'il aille réparer son erreur. Malheureusement, il va pas forcément pouvoir le faire, mais il va quand même réussir à combattre le Seigneur des Marais, qui est un type qui empiétait sur le territoire de sa famille, qui lui volait des terres depuis longtemps. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il s'appelle Perlesvos, parce que c'est un nom que, en fait, Perlesvos, c'est assez proche de Perceval, en fait. Mm-hmm. Sauf que c'est une mise au pluriel et c'est plus Seval spécifique, mais c'est vraiment Sevo. Mais effectivement, c'est un nom que son père lui a fait donner. Les manuscrits d'ailleurs utilisent de façon assez variée Perlesvos, Perceval. Par moments, il redevient l'un ou l'autre. Certaines éditions font le choix de simplifier et traduisent tout par Perceval. C'est surtout le cas en anglais en général, puisque de toute façon, la blague Perlesvos ne marche pas, donc ils doivent l'expliquer dans une autre de toute façon. Mm-hmm. Et à ce moment-là, effectivement, la traduction en Perceval est peut-être plus simple. Parce que justement, ouais, il perdait les veaux de Camelot. Voilà. D'ailleurs, le livre nous précise, d'ailleurs, au fait, ce Camelot-là, qui est dans le Pays de Galles, c'est pas le même Camelot que celui du roi Arthur, il faut pas confondre les deux, mais voilà, il était seigneur de Camelot et il les perdait depuis avant sa naissance. Il va combattre le seigneur des Marais, lui infliger un traitement assez cruel et gore, en fait. D'ailleurs, on parlera un peu des thèmes de l'histoire, c'est une histoire très gore. C'est une histoire qui est très très sanglante, qui a vite tendance à aller dans les détails assez... Très brutal et barbare, c'est-à-dire que les combats, alors que chez Chrétien, les gens saignent, un peu comme ça, enfin ils saignent, leurs boucliers sont cabossés, leurs armures sont cabossées, c'est des blessures un peu superficielles. Là, des clavicules, des jambes qui se tranchent, des jambes qui se cassent, des bras qui sont percés. Il y a beaucoup de morts aussi, beaucoup plus que chez Chrétien et même parmi les gens qui ne sont pas des combattants, en fait. Mmh, beaucoup de décapités. On dit souvent, il y a une obsession pour la décapitation. Bon, c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Il y a aussi un motif qui revient souvent, c'est la lance qui passe à travers le bouclier et tue le chevalier. Genre, il se fait empaler à travers son bouclier, ce qui est quelque chose qu'on voit pas souvent. Généralement, les boucliers ou les lances se cassent, mais sans forcément que ça tue directement les chevaliers. Donc, très gore, et aussi, puisqu'on en a parlé des thèmes, un focus très fort sur l'évangélisation. On va convertir des païens, on va convertir les gens de l'ancienne loi, c'est-à-dire les juifs. Donc, vous avez une espèce de prédication très agressive où on va convertir des gens au christianisme, et s'ils veulent pas, on les massacre. Il y a des moments où Perceval dit, voilà, il y a 1500 personnes, je vais les convertir, il y en a 13 qui ont la foi et qui sont sauvés, mais tous les autres sont massacrés. Donc ça, c'est un thème qui entre vraiment en jeu dans le dernier tiers de l'histoire. Donc c'est-à-dire que ça se finit avec la conquête du château du Graal, c'est un peu la fin de l'arc de Perceval. Il réussit à conquérir le château du Graal qui avait été conquis par son oncle maléfique, le roi du château mortel. Il le reprend, le roi du château mortel se suicide. Beaucoup d'aventures sur le chemin, on va un peu détailler, mais après ça, justement, Perceval sort un peu de l'histoire et on revient à des aventures qui sont en fait le royaume d'Arthur est en péril. C'est-à-dire que on apprend en fait que Loholt, le fils d'Arthur, qui ici a un rôle, a été tué par Queux. Donc c'est élucidé d'une certaine manière. Quand c'est appris, Queux fuit Arthur et rejoint ses ennemis. Et donc il y a toute la fin du livre, c'est Arthur qui est en guerre contre Brian des Îles. Et après il finit par le capturer et en faire son sénéchal, le rallier à lui. Magdalan et des ennemis comme ça, des espèces d'armées qui viennent envahir son territoire, etc. Qui profitent en fait au départ qu'Arthur était parti en pèlerinage au château du Graal. Et il apprend que la reine Guenièvre est morte. Et qu'il faut rentrer. Donc, bien sûr, Lancelot est extrêmement triste parce qu'il est amoureux de la reine Guenièvre aussi. Et à partir de là, Lancelot sera chef de guerre pour Arthur en Écosse. Mais il y a justement les ennemis d'Arthur qui vont comploter pour dire, vous devriez vous méfier de Lancelot parce qu'il veut vous doubler et il va se faire élire roi d'Écosse à votre place et puis il va combattre contre vous. Arthur se méfie de lui et l'emprisonne, ce qui fait que ça, il y a de nouveau un déclin. Les gens ne font plus confiance à Arthur parce qu'il a maltraité son meilleur chevalier. Et la fin de l'histoire, c'est justement que Lancelot est libéré. Il y a une dernière aventure de Perlesvos qui est vraiment où hop, encore un grand méchant qui sort de nulle part, et il y a Aristor, un grand méchant qui sort et qui kidnappe sa sœur, et donc il faut aller la libérer, et puis il le fait, il le décapite, et il ramène sa... parce qu'il voulait épouser la sœur de Perceval, mais en fait, il prend une nouvelle femme chaque année, puis il la décapite à la fin, donc c'est une espèce de présage d'Henri VIII un peu. mais Perceval sauve sa sœur, et puis les dernières aventures de Perceval, c'est qu'il trouve un tombeau où il y a ses oncles paternels sur une île, il rencontre des espèces d'ermites, et ils lui disent vous devez promettre de revenir le jour où vous voyez une nef avec une voile à la croix vermeille, vous devez monter dedans. Il promet de le faire, et puis donc la fin, c'est Perceval qui est emmené par ce bateau. Il a eu des petites aventures de navigation au fil de l'histoire. Oui, plutôt dans un épisode qui rappelle un peu le chevalier au cygne, d'ailleurs, bateau cygne de la seconde continuation, la première continuation de, hein. Une des dernières branches de la première. Bah oui, là c'est ça, on a une ce motif c'est en fait le côté messianique est presque plus transféré sur Perceval. C'est lui qui est emmené au loin sur un bateau mystérieux, puis c'est pas Arthur finalement. L'histoire laisse en plan Arthur et Lancelot avec leurs ennemis intérieurs et conclut pas là-dessus en fait. C'est-à-dire que la guerre des ennemis d'Arthur, qui était un peu, qui était la fin du Perceval en prose aussi, la tradition des chroniques, c'est-à-dire voilà la chute du royaume arthurien, bah là c'est pas vraiment conclusif. L'histoire s'arrête avec la fin des aventures de Perceval, et puis les guerres terrestres, finalement, ils s'y intéressent pas. C'est cette grande saga du Graal qui intéressait vraiment. C'est quelque chose qui est en fait presque plus proche en cela surtout des épisodes tardifs de Chrétien en fait. Le Perceval effectivement ne fait pas non plus beaucoup sur les aventures d'Arthur en dehors. Il y a quelques mentions effectivement de mouvements de troupes, mais c'est très très vague et ça reste assez. Surtout à la fin du Perceval, je pense aux épisodes avant qu'il aille retrouver justement Gauvin, mais c'est à peu près tout quoi. Le sang sur la neige éventuellement, mais il n'y a pas beaucoup d'aventures d'Arthur non plus. Et en cela, le Père Lesvaux c'est un peu l'exception au début et à la fin, mais autrement c'est vrai que le centre, le cœur de l'histoire, c'est vraiment ces aventures de Père Lesvaux et surtout de Lancelot et de Gauvin dans la première partie. Qui aide beaucoup. Puisqu'on a parlé un peu des thèmes, donc de la brutalité sanglante, c'est pas vraiment un thème, mais c'est clairement une histoire qui est très gore. Après, bon, c'est un livre, donc c'est pas forcément choquant, mais il y a vraiment beaucoup de violence, et de manière presque plus réaliste. Il y a un moment, par exemple, où on dit que Gauvin et Arthur sont en voyage, et qu'ils enlèvent leur armure, et qu'ils se lavent les mains, et on parle du fait qu'ils sont meurtris par leur armure. Et c'est une touche de réalisme que généralement on n'a pas dans ces romans. D'habitude, les gens chevauchent toute la journée sans problème, la nourriture, c'est pas vraiment, enfin, vous voyez que les impératifs corporels du voyage du chevalier errant, ça correspond pas vraiment à une réalité, mais là on a quand même des touches de réalisme et peut-être de cette cruauté un peu proche du réalisme qui sont intéressantes. Il y a certains moments qui sont aussi presque trop caricaturaux, à l'inverse quand par exemple ils doivent se faire héberger par des ennemis mortels qui vont pas pouvoir leur faire quoi que ce soit, ça nous paraît presque de nos jours au contraire trop idéaliste, qui est peut-être un peu moins pour l'époque, peut-être plus attendu. Mais il y a des moments qui sont aussi beaucoup plus conventionnels, finalement. Donc, c'est une espèce de tension qui s'exerce entre cette corporalité, cette matérialité, ce côté physique un peu brutal, et parfois un grand idéalisme, en fait. Ce qui un thème qui rejoint justement celui de la violence, puis justement tu parles d'ennemis mortels, c'est celui de la vendetta. C'est-à-dire que dans une histoire comme les continuations, c'est très courant qu'on ait des chevaliers qui sont vaincus par Lancelot, Gauvin ou autre, et qui après on n'entend plus jamais parler. Ici par contre, si vous tuez quelqu'un, vous avez son cousin, sa mère, sa femme, son père qui vont venir vous réclamer vengeance. Et souvent c'est des meurtres qui sont, disons, légitimes, parfois même dans un contexte de guerre, et vous avez les descendants ou les proches de cette personne qui vont venir réclamer vengeance. Et du coup il y a beaucoup d'épisodes qui vont se ramifier dans le reste du bouquin parce que, en fait, cet épisode n'est pas un épisode séparé, c'est le karma négatif de ce qu'il a fait il y a 300 pages. Et donc ça rend l'histoire pas forcément difficile à suivre, mais ça lui donne une densité où des actions vont se répercuter. Et une autre chose qui a un peu le même genre de fil rouge qui parcourt toute l'histoire, c'est les reliques. Il y a une grande fascination pour les reliques, elles sont pratiquement toutes là, je crois qu'il y a un morceau de la vraie croix, il y a les tenailles et les clous. Les tenailles qui ont servi à enlever les clous de la croix et les clous de la croix eux-mêmes, un morceau du Saint-Suaire, il y a le cercle d'or qui est en fait la couronne d'épines coulée dans de l'or et qui passe de main en main alors que des gens veulent les saisir ou les amener à leur destination plus légitime. Par exemple, justement, le cercle d'or, donc la couronne d'épines coulée dans de l'or, d'abord elle est promise à la personne qui vengera Alain d'Escavalon, puis à Père Lesvos pour avoir tué le chevalier au dragon. Il le conquiert, mais il le laisse à la dame, il dit bon, gardez-le, je sais pas trop ce que je vais en faire. La dame se la fait voler par Nabigan de la Roche, qui va ensuite le donner au vainqueur du tournoi de 3 jours, qui il sera ensuite remis à Gauvin, qui décide de le restituer à son possesseur légitime. Et donc ça se passe sur la moitié du du bouquin, en fait. Donc, on va pas forcément pouvoir démêler tous les fils de l'histoire, c'est-à-dire qu'on va devoir laisser des choses de côté, parce que sinon, ça veut dire que toutes les 20 secondes, on doit dire « Ah, vous vous rappelez ce qui s'est passé il y a 5 minutes ?» Ce qui est intéressant, c'est que ça traduit peut-être une différence assez importante avec Chrétien aussi, dans, et de la part des autres récits arthuriens en prose qu'on a vu avec Robert de Boron, justement, il y a une espèce de notion de la narration un peu plus élaborée. Certainement que chez Robert de Boron. On n'est pas dans de la factualité brute, on est vraiment dans quelqu'un qui sait l'intérêt qu'il a à faire un narratif au long cours. On n'est pas non plus dans quelque chose qui va être lu épisodiquement, en soirée, dans une fête. C'est pour moi clairement quelque chose qui est conçu pour être lu et pour lequel tu peux revenir en arrière dans un livre, parce que sinon tu te perds. Ouais. C'est terrible. C'est ce que dit Strubel, qui fait l'édition aux lettres gothiques. Il pense que déjà à l'époque où ça a été transcrit, probablement que c'était que quand il disait « Ah, je suis le cousin de celui que vous avez tué il y a 500 pages », on était censé retourner en arrière et lire pour se remettre à jour sur « Ah oui, qu'est-ce qui s'était passé ?» C'était censé avoir des allers-retours. Du moins, il pense que c'est une possibilité, que ça soit prévu pour ça. En tout cas, il y a une espèce d'exposition d'un certain talent, effectivement, à conjuguer les choses. Il y a beaucoup d'ironie narrative, typiquement quelqu'un qui sait que quelqu'un... on sait parfois que dans les romans arthuriens, c'est fréquemment le cas, qu'on ne sache pas exactement qui est quelqu'un et que le récit... Alors, on peut le deviner, mais le récit essaie de nous le cacher. Là, par contre, il y a beaucoup de cas où on sait parfaitement qui est quelqu'un, mais les autres ne le savent pas. Et donc, du coup, on peut apprécier l'ironie peut-être plus profondément que dans certains romans où... où un chevalier qu'on ne connaît pas, il nous est présenté comme inconnu, on nous révèle après que c'était quelqu'un d'autre, alors que là, sait, on saura qui c'est. On peut vraiment voir l'ironie de voir des chevaliers qui sont, de voir par exemple, parfois c'est caché aussi, parfois on voit Gauvin qui interagit avec un chevalier, et après on se rend compte qu'en fait ce chevalier c'était Perceval. Oui. Mais il y a un certain talent, disons, l'auteur ménage ses effets en fait. Oui. Et du coup, la narration imbriquée, effectivement, témoigne aussi de ça finalement. Mmh. Je voudrais donner par exemple un exemple de chaîne de vengeance qui va affecter l'histoire et qui, je pense, lui donne beaucoup de complexité morale, en fait, parce qu'on pourrait se dire bon, c'est juste de la vengeance, mais sauf qu'il y a différents degrés de légitimité qui sont mis face à face. Par exemple, Perceval, on apprend, c'est une des différences par rapport au Conte du Graal, que quand il a quitté sa forêt, en fait, il a vu deux chevaliers qui se battaient et il leur a lancé un javelot en bois. Et il en a tué un, en fait, sur le coup. Et il pensait pas qu'il pouvait le tuer parce qu'il pensait que leur armure était impénétrable. Donc on reprend cette idée de Perceval qui est vraiment impressionné par la beauté des chevaliers et qui les prend pour des espèces de créatures invincibles et qui, par erreur, pendant un combat entre deux chevaliers, en tue un. Le fils de ce mec qui l'a tué, enfin, l'autre type le voit et dit, ah, il ferait un bon chevalier, il l'amène à la cour d'Arthur et c'est comme ça qu'il commence sa carrière. Mais le fils du mec qui l'a tué, Clamados, en fait, il veut sa vengeance. Il dit, ah, le bon chevalier que vous attendez, monsieur le roi Arthur, parce qu'il y a un bouclier qui est destiné à Perceval, il dit, vous l'attendez, mais moi, je veux ma vengeance et je veux que vous m'adoubiez chevalier pour que je puisse l'accomplir parce qu'il se battra pas contre moi tant que je suis écuyer. Et Arthur accepte. C'est-à-dire que Arthur, de par ses devoirs de souverain, doit favoriser cette personne qui est objectivement un ennemi de Perceval, même s'il dit « Oh, j'aime bien le bon chevalier, j'aimerais bien le favoriser », il est obligé de le laisser. Ensuite, cet écuyer veut rencontrer Perceval et il le trouve à un endroit, mais il se fait surprendre par autre chose, c'est-à-dire que là, il y a une autre histoire qui vient, c'est que Gauvin avait vu un mec qui était très jaloux pour sa femme, et Gauvin est un jeu... Oui, c'est un autre exemple, c'est l'exemple probablement le plus imbriqué avec la rencontre entre ces deux points narratifs. C'est-à-dire que Gauvin, il a cette réputation de joli cœur, mais très tôt dans le roman, il se dit, ok, c'est peut-être pas idéal, genre on se rend compte que c'est son caractère établi, mais il dit, non, je vais arrêter. Alors, justement, il est au château de cette dame, et il dit, ah, je vais pas la regarder, je vais pas la reluquer, je vais pas... Il a l'air de se contenir et de se dire, ouais, c'est pas pour moi, il y a tout un thème de la chasteté dans le roman. Malgré ça, il y a le nain serviteur, encore une fois, on déteste les nains, hein. Il y a vraiment un antinanisme profond dans ces textes. Il va avertir le type qui s'appelle Marin le Jaloux, il lui dit, ah, votre femme et Gauvin sont en train de fricoter. Le type revient, il commence à battre sa femme et à la fouetter dans un ruisseau au point que ça rougit le ruisseau de son sang. Gauvin intervient et dit, c'est un traitement qui est indigne. Ils se battent et donc ils se foncent dessus. Et là, Marin le Jaloux évite le coup de Gauvin et il fonce sur sa femme, il l'empale sur sa lance et il part. Et ça, c'est impressionnant de violence parce que même dans ce genre de littérature qui est très violente, un chevalier qui, pendant un combat, se détourne de son adversaire pour tuer quelqu'un qui n'est pas combattant... Qui est sa femme, en plus. Qui est sa femme, c'est quelque chose qui est vraiment vu comme quelque chose d'atroce. Gauvin piétine le nain serviteur, mais il n'arrive pas à atteindre Marin le Jaloux. Il y a d'autres chevaliers qui vont le rencontrer plus tard. Mais il est outré. Et plus tard, tout le monde lui dit, ah, vous savez, la femme de Marin Jaloux qui est morte par votre faute. Et Gauvin arrête pas de dire, mais j'ai rien fait, elle a rien fait. Et pourtant, ça le suit. C'est pas forcément un péché, mais il y a un thème qui était vraiment dans le conte du Graal. On se rappelle de l'orgueilleux de la lande. C'est-à-dire que Perceval avait commis une transgression, mais il était pas directement responsable du traitement de la demoiselle, mais pourtant, il y avait une idée de responsabilité et qu'il devait le corriger. Et ça, c'est quelque chose qui revient beaucoup. Et en fait, je pense que l'épisode de l'orgueilleux de la lande, où justement, on se rend compte, ah, c'est la demoiselle que Perceval avait maltraité, qu'il avait agressé sexuellement au début, et son mari l'a puni pour ça, c'est ce genre de mécanisme-là qui est à l'œuvre. Il y a aussi ce que tu oublies, enfin, ce que tu n'as pas fini encore le lien entre les oui, deux. Oui, le lien entre les deux encore. Pas fini. C'est-à-dire que le Marin Jaloux, avec sa femme, a en fait eu un fils avant, qui apparemment est pas très proche de Marin Jaloux, mais qui s'appelle Melio, qui est un lion, qui chevauche un lion, donc c'est, voilà. Il devient l'homme liche de Gauvin, c'est-à-dire il demande à Gauvin, il s'inféode à Gauvin. Parce que lui, il sait que sa mère est morte par Melian et que Gauvin a tout fait pour la sauver. Par Marin. Et, en fait, par Marin, pardon, oui, parce qu'il y a encore un Melian après. C'est que, du coup, Clamados est en chemin pour essayer de trouver Perlesvos. Il arrive à un endroit où on lui dit ça doit être par là. Il y a un endroit qui est gardé par un lion, qui est celui de Melio, et il le tue, parce qu'il dit, c'est un lion féroce. Il tranche sa tête et il l'accroche à une porte. Melio prend ça comme un outrage, parce que son lion domestiqué a été trucidé par quelqu'un. Et du coup, quand Clamados vient demander à Perlesvos un combat, il y a Melio qui arrive par derrière et qui lui demande un autre combat parce qu'il a tué son lion. Et du coup, les deux doivent se battre. Ensuite, les deux se battent, Clamados est hors concours, du coup Perlesvos dit « Ok, je reviendrai dans 40 jours pour voir s'il est pas mort, je le combattrai toujours. » Il meurt, ce qui le libère de son serment, mais apparemment la famille de Clamados n'abandonne pas. Donc vous avez vraiment cette espèce de cercle du karma négatif qui revient hanter les chevaliers. Et donc là, vous voyez ces deux lignes, c'est-à-dire que le péché primordial de Perceval, si on veut, est une erreur de Gauvin, ce qui fait qu'il se sent obligé de servir Melio, ce qui fait que bah, quand on a le combat Clamados contre Melio, on est censé être contre qui ? On est censé être pour qui ? Parce que les deux ont une raison assez légitime de se battre, finalement. Les deux ont une vengeance qui est relativement légitime. On est dans une chaîne où il n'y a plus vraiment d'action. Il y a des actions qui sont injustes, c'est-à-dire, par exemple, Lancelot se fait poursuivre après pour avoir tué quelqu'un. Disons, j'ai pas l'impression que Clamados soit un personnage extrêmement positif dans le récit. Non. Le lion qui tue, il le fait un peu impétueusement, et on est censé plutôt être du côté de Melio qui nous a été montré comme un... D'ailleurs, la temporalité est un peu bizarre hein, dans le palais, parce qu'on le rencontre Melio quand c'est un jeune enfant. Et puis après, c'est un chevalier immédiatement. Mais il y a aussi, je pense, un karma positif qui se passe, c'est-à-dire que parfois, les bienfaits que des chevaliers ont fait à une dame, ça revient les sauver. Par exemple, il y a un jeu du décapité où Lancelot arrive dans une ville, on lui dit « Ah, je te décapite, et puis dans un an, tu me décapites, et puis dans un an, tu reviens, et c'est toi qu'on va décapiter », ce qu'on avait vu dans la première continuation avec Caradoc. Bah là, ça revient, sauf qu'au moment où Lancelot va se faire tuer par le frère du type qui l'a tué, donc là, on a en plus le thème de la vendetta, hein, c'est « Ah, tu as tué mon frère, donc je vais te tuer ». Et il y a des dames qui débarquent, et en fait, c'est des dames que Lancelot avait sauvées parce qu'elles étaient déshéritées, et il leur avait transmis le trésor de brigand qu'il avait pris, et il les avait restituées dans leurs droits. Et du coup, elle débarque et elle dit au bourreau, ah, si tu veux mon amour, libère-le tout de suite. Et il jette sa faux immédiatement, et puis Lancelot est sauvé par une bonne action qu'il a fait avant, en fait. Donc vous avez un cercle de karma négatif et positif qui revient. Qui s'équilibre un peu, en fait. Et donc ça, c'est un peu la structure globale, les thèmes globaux, et on va faire un résumé plus détaillé, on va pas pouvoir faire tout le détail comme je l'ai dit malheureusement. Même si effectivement l'histoire en vaudrait la peine, ça serait un peu effectivement compliqué. Un mot peut-être sur le texte en lui-même, qui est conservé dans une dizaine de manuscrits, dont seuls deux sont complets. Il y a beaucoup qui sont très fragmentaires, certains manuscrits sont comptés comme des manuscrits, mais ils ne sont vraiment que des fragments. Les deux complets sont le manuscrit dit de Bruxelles, qui est conservé à la Bibliothèque royale de Belgique, c'est le manuscrit 11145, et un manuscrit conservé à la Bodleian à Oxford, le manuscrit Halton 82013. Donc c'est ces deux manuscrits qui sont généralement utilisés pour base pour les premières éditions, dont celle de Nitz en 1932, je crois. En 1932, qui est un peu la, disons, l'édition de référence. De Nitz et Jenkins, justement auprès de l'Université de Chicago. C'est une édition anglophone hein, qui se base sur le manuscrit d'Oxford à la base. De l'autre côté, on a l'édition un peu de référence moderne francophone qui est celle des lettres gothiques qui se base là sur le manuscrit qui est appelé manuscrit P, qui est à la bibliothèque française, donc c'est le manuscrit de la BNF français 1428, qui est en fait, enfin, il a été compté par Nitz comme étant fragmentaire, mais disons, il manque juste le début et la fin. Donc ils ont pu faire une édition, ils considèrent que le texte est presque de meilleure qualité par moment, et donc ils ont juste complété avec l'édition Nitz pour le début et la fin. Donc c'est l'édition bilingue française, donc avec le français médiéval et le français moderne traduit, qui est, je pense, la plus accessible, la plus facile à trouver, puis sûrement la meilleure pour un lecteur francophone, et qui est complète. Sinon, notre ami Nigel Bryant a fait une édition, une traduction, pardon, en prose, purement une traduction en se basant sur l'édition de Nitz et Jenkins, qui s'appelle The High Book of the Grail. Notre ami Nigel Bryant, donc, qui avait traduit. C'est le début de sa longue quête pour traduire tous les longs textes arthuriens du monde. Voilà, il avait fait aussi le manuscrit de Modène, il avait fait aussi tout le Perceval, y compris les continuations, et puis je crois qu'il doit avoir fait au moins je crois que c'est Lacey qui a fait la Vulgate, mais je suis sûr qu'il a ça dans une poche quelque part qui attend. Donc l'édition française qu'on vous conseille, c'est aux lettres gothiques, elle s'appelle Le Haut Livre du Graal, donc ils ont repris le titre original, mais c'est bien celle-ci. Elle a des notes qui sont, je trouve, assez utiles, des résumés, une introduction assez solide qui parle des problèmes qu'on a pour la datation de différentes théories, et qui essaye de situer le texte, très difficile à situer. On a dit un des trucs, on l'a pas vraiment mentionné, mais disons, avec tous les thèmes qu'il y a, donc la brutalité, l'espèce de fanatisme religieux, la vengeance, certains ont même essayé de faire, disons, une psychanalyse de l'auteur en disant, ouais, il doit être névrosé ou il doit avoir un problème parce qu'il y a des obsessions qui sont pas très nettes là-dedans. Ils essayent de présenter un peu ça de façon un peu plus tempérée, que je trouve assez intéressante. Une alternative à l'édition lettres gothiques, c'est pas vraiment une alternative, c'est qu'il y a une traduction abrégée dans la légende arthurienne, dans la collection bouquins chez Robert Laffont. On l'a déjà mentionné plusieurs fois parce que justement ils ont plein de petits textes, ils ont le Perceval, ils ont des extraits du Merlin et du Perceval en prose, des extraits de la première continuation, puis le Chevalier à l'épée en beau, la Demoiselle à la mule, l'âtre périlleux, tous ces petits, entre guillemets, petits romans arthuriens. C'est un peu un florilège. Mais donc, vous avez une édition abrégée du Père Les Ours. Il doit y avoir, je pense, un tiers du texte. Quand le texte n'est pas là, il le résume. Donc, vous perdez pas grand-chose de l'histoire, mais c'est vrai que vous perdez un peu de cette trame où les histoires et les destinées s'entrecroisent. Mais il a été un peu recentré sur vraiment les phénomènes centraux. Puis, notre épisode va l'être un peu aussi. Mais disons, si vous êtes intéressé par le contenu global de ça, ça peut être une bonne première lecture. Alors après, c'est peut-être difficile de l'acheter aujourd'hui. Je sais pas s'il est toujours en vente dans les bibliothèques, les librairies, pardon. Mais vous le trouvez sans doute en bibliothèque, ça c'est sûr. Mais donc, si vous le voulez, je pense l'édition lettres gothiques, c'est un peu le meilleur. Donc on va maintenant essayer de vous résumer un peu l'histoire du Père Lesvos. On va pas, comme on l'a dit, on va pas entrer dans les détails. On va essayer de vous donner un peu le sens de justement des personnages qui reviennent, des gens qu'on a vus avant, et aussi d'une espèce de backtracking pour parler comme dans un jeu vidéo où les gens reviennent avant et où ils étaient avant et où de nouvelles aventures se passent. Et la première branche commence par une espèce de prologue qui situe justement quel est le livre que vous êtes en train de lire et comment est-ce qu'il nous a vraiment été transmis ce Haut Livre du Graal. Alors le texte nous parle d'un certain Joséphée ou Josephès. Qui, alors j'aime bien la formulation utilisée en ancien français, Josephès le mist en remembrance par la mention de la voix d'un angle, d'un ange donc. Hein. c'est peut-être un angle, hein, c'était peut-être un... pour que, oui, en fait c'est un petit angle, un guerrier angle qui est venu là, pour que parce que la vérité fut sue par son écrit et par son témoignage de chevaliers et de prud'hommes, comment ils voulurent se faire peine et travail de la loi Jésus-Christ, et saucier qu'ils veulent se renouveler par sa mort et son crucifixion. Donc c'est vraiment le programme, en fait, du récit. Mmh. C'est l'établissement, l'exaltation de la loi de Jésus-Christ, donc de la chrétienté, en fait, plus globalement. Et c'est ce Joséphée, en fait, qui va être mentionné régulièrement. On parle de branches, hein, depuis le début. Les branches, en fait, sont introduites par le texte. Cette notion, c'est que chaque fois qu'il y en a une nouvelle qui commence, le récit nous dit « Ici commence une nouvelle branche. » Au nom du Joséphée... Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et il commence effectivement, après ce petit prologue, hein, « L'Hôtes Livres du Graal commence au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » Et dès le début, il y a vraiment une espèce d'emphase sur cette Trinité. Il explique, hein, la Sainte Trinité. Ouais. C'est une doctrine qui mérite d'être expliquée. Et Joséphée va effectivement raconter cette histoire. Après, donc, il y a toute une introduction sur la nature du Graal, sur Joseph d'Arimathie, sa venue en Bretagne, et... son rôle de bon soldat au service de Pilate. Ça, c'est tous les thèmes qu'on avait déjà vus dans la trilogie de Robert de Boron et qui sont réutilisés ici. Il faut dire aussi que c'est là qu'il introduit la lignée de Perceval, justement, qu'il présente déjà là, il ne donne pas tout de suite son nom, mais c'est le bon chevalier. Il explique que sa mère, Iglaise, était la sœur du roi pêcheur et la sœur du roi Pélès, qui est le roi donc ermite, et du roi du Chastel Mortel. Et que de l'autre côté, du côté d'un certain Nicodème, donc peut-être le Nicodème effectivement partenaire de Joseph d'Arimathie dans l'affaire, est lui l'ancêtre de Gai le Gros, et par là du fils de Gai, Julin le Gros, qui est en fait le père de Perceval, le père Lesphos, qui est le roi des veaux de Camelot, justement, et qui a 11 frères, donc une grande fratrie qui va aussi avoir un certain rôle, un peu moins important, mais on rencontre régulièrement des cousins, des gens qui sont parents avec Père Lesphos. Et c'est là qu'en fait, ça va... Dont Lancelot. Dont Lancelot, effectivement, puisque... Bon, je ne sais plus exactement quel est le lien exact. Ils ont un lien, mais Bade de Bénoïc, effectivement, est lié à la famille. Et c'est comme ça que parfois, ils s'expliquent, quand ils se rencontrent, qu'ils sont cousins, que du coup, ils s'en aiment d'autant plus. Et c'est là que le récit va embrayer à la cour du roi Arthur, dans une ère un peu, justement, tristounette, où les chevaliers sont partis, où tout le monde est un peu désespéré parce que le roi Arthur est un peu dans une espèce de langueur. Oui, on parle souvent de mélancolie, on pourrait même parler peut-être de dépression. Le roi Arthur perd l'envie de faire ses grandes fêtes qui faisaient son succès, qui est son devoir de largesse de la part du souverain. Il arrête de faire ses grandes fêtes, les chevaliers le délaissent, il est un peu triste. Et Guenièvre lui conseille peut-être aller à la chapelle Saint-Augustin parce qu'apparemment ils font des miracles là-bas et les gens en reviennent soignés ou plus vigoureux. Et Arthur, du coup, commence très actif. Il part faire cette espèce de pèlerinage. Et donc, il veut se préparer. Il dit à son écuyer, prépare-toi. L'écuyer dort dans la grande salle pour être prêt le lendemain à l'aube. Et l'écuyer fait un rêve étrange et même fantastique. On a mal utilisé le terme fantastique dans notre premier épisode. Mais là, je pense qu'on peut parler de fantastique dans le sens où il y a différents registres de réalité qui entrent en conflit. Il rêve qu'il voit une jolie église où il y a un chevalier qui est couché, un mort qui est couché sur Il rêve en fait que le roi, il rêve qu'il se réveille et que le roi est déjà parti. Donc, il pourchasse le roi. Pour le rattraper, en fait. Ouais. Et il arrive dans cette chapelle, il voit un chandelier, un beau candélabre en or sur lequel il y a une bougie laissée en l'honneur de chevalier. Il prend le chandelier et il se dit « Ah, je vais le donner au roi Arthur ». Il sort, il y a un chevalier noir qui sort et il dit « Vous avez volé quelque chose dans cette église ». Et il dit « Ah, je vais l'amener au roi Arthur, vous pouvez pas m'empêcher ». Et le chevalier le blesse mortellement et il se réveille en hurlant. Tout le monde se dit « Mais qu'est-ce qui se passe ?» et tout. Et ils disent « Ah, je suis blessé, je suis en train de mourir ». Et tout le monde dit « Mais non, c'était un rêve ». Et il dit « Ah oui, tenez, roi Arthur, j'ai pris ça pour vous ». Et il sort le chandelier de sa botte. Donc il a réussi à ramener le chandelier du rêve, mais il a aussi ramené justement des blessures mortelles et il meurt peu de temps après. Il a le poignard véritablement dans la blessure, voilà. Là où il a été. Donc cette espèce de fantastique, quand même assez inhabituel, mais justement où un rêve devient réalité. Et le roi Arthur décide donc de partir en quête de la chapelle Saint-Augustin, comme il le prévoyait avant, mais là il est encore plus intrigué, puis il se demande justement ce qui est arrivé à Caius et il veut le venger. Il arrive d'abord dans un ermitage où il voit le corps d'un vieil ermite qui est dans un cercueil, mais quand il est hors de l'ermitage, il entend à l'intérieur des démons et des anges qui se disputent son âme et qui disent « Ah, il a été méchant toute sa vie, donc il nous revient », mais en fait les anges disent « Mais non, il s'est converti et il est devenu un ermite et donc il devrait être sauvé ». Et puis il y a la Vierge Marie en personne qui intervient pour sauver l'âme de l'ermite, et le roi Arthur a l'air assez content de ça, il se dit « Ah ben, tant mieux ». C'est intéressant parce que c'est vraiment une des premières fois qu'on voit autant il y en a quelques-unes, des allusions mariales déjà auparavant, puis il a l'image de la Vierge sur son bouclier par exemple. Mm-hmm. Mais c'est vraiment une dévotion assez particulière là. Hein. On commence à voir vraiment les prémices du tournant un peu marial. Tournant papiste. Le tournant marial qui va être très important dans l'Église À partir du Moyen-Âge, effectivement. Donc, Arthur en entend une joie profonde et il arrive enfin à la chapelle Saint-Augustin qui était le but de son pèlerinage. Et en fait, il voit la messe depuis l'extérieur de la chapelle et il peut pas y pénétrer, mais il voit en fait des apparitions qui matérialisent en fait ce qui est en train de se passer dans la messe. Il voit une dame avec un enfant sur les genoux, donc c'est une vierge à l'enfant. Il voit un homme crucifié et on lui plante une lance au côté, c'est Jésus. Il voit apparaître, enfin, il voit que le prêtre a dans les mains un homme crucifié, donc il voit se matérialiser littéralement la réalité de la messe, la réalité de l'Eucharistie, entre autres. Devant ses yeux, il est ému au-delà de toute mesure, mais bien sûr, il est pas, apparemment, il est pas assez digne d'assister directement à la messe depuis l'intérieur de l'église, il peut la voir que de l'extérieur. Arthur dit qu'il est venu à cette chapelle pour s'amender, l'ermite lui dit ben, que Dieu vous aide, et il lui dit que le Saint Graal est apparu à un chevalier, et que par sa faute, parce qu'il n'a pas posé la question, ben, le roi pêcheur est tombé dans la langueur, et que tous les royaumes sont entrés en guerre. Donc vous avez vraiment l'idée que Perceval, non seulement, à la base c'était, oh, il aurait pu guérir la terre du roi pêcheur et guérir le roi pêcheur, là, il a déclenché une espèce de guerre généralisée en répondant pas, en ne posant pas la question. Il faut dire aussi qu'il y a un moment très amusant là, où il y a une demoiselle qui lui demande son nom, quand il dit, il dit pas qui il est explicitement, mais il dit qu'il lui dit qu'il s'appelle Arthur, et elle lui dit oh là là, je t'aime pas parce que le roi nom Arthur, ouais. C'est le nom Arthur, c'est le nom du roi Arthur, et le roi Arthur c'est vraiment un oui, pourri maintenant. Il est un peu incognito, et d'ailleurs juste après il va pas exactement dire son nom, il va plus ou moins mentir pour cacher son identité, mais c'est un de ces épisodes un peu comme le chevalier au Papegaou, qui est une aventure complètement consacrée à ça, où Arthur est incognito et il y a un peu d'humour là-dessus où les gens disent ah, le roi Arthur hein, si je l'avais sous le nez, et ben. Ce qui est assez intéressant, je trouve, c'est que l'ermite dit au roi Arthur, ah, vous savez, Arthur dit, j'aimerais m'amender, mais l'ermite lui dit, de la chapelle Saint-Augustin, vous savez, si on a été mauvais 40 ans et bon 3 ans, on peut pas dire qu'on a été bon. Alors que ce qu'on a vu de l'autre ermite qui vient d'être sauvé par la Vierge Marie, c'est pas entièrement vrai. Et c'est un livre qui parle beaucoup de rédemption, en fait, et qui a l'air de dire, ouais, Arthur a commis des péchés, tout le monde a commis des péchés, et tout le monde en commet, mais il y a une rédemption qui est possible à travers le Christ. Mais il faut qu'elle soit extrême, parce que oui. Ce que dit l'ermite n'est pas forcément incompatible, si effectivement l'ermite qui lui s'est repenti, a bénéficié d'une grâce parce qu'il était effectivement particulièrement vertueux. Et donc Arthur se fait attaquer par le chevalier noir qui avait tué Caius et qui a une lance énorme qui est plus large à l'extrémité que au milieu, donc qui est vraiment massive et qui est en feu et qui s'éteint quand elle est touchée par le sang d'Arthur. Apparemment ça pourrait faire écho à des thèmes de mythologie irlandaise, mais Arthur réussit à tuer le chevalier noir. Et plus tard, il rencontre une demoiselle qui lui dit « Il faudrait que vous alliez... » Le chevalier noir se fait dépecer, je crois, par une compagnie de chevaliers qui veulent tous en avoir un bout. Et une demoiselle qui lui dit « Ah, vous avez besoin de la tête du chevalier pour utiliser le sang pour guérir de la blessure qu'il vous a faite. » Et Arthur retourne le chercher et quelqu'un lui dit « Ah oui, je veux bien vous donner sa tête, mais vous devez me dire qui l'a tué. » C'était le roi Arthur. Et il dit pas contrairement à Gauvin qui donne toujours son identité, par exemple, enfin en général, là, Arthur... esquive ce genre de questions parce que c'est pas forcément prêt, bah aussi parce que c'est le roi, donc il essaye de pas se retrouver pris dans ce genre de situation. Ça va se terminer en fait justement par ce retour au palais, enfin au château d'Arthur, et cette espèce de lancement de la quête proprement parlée en fait là. C'est là que va intervenir la voix, c'est là qu'on va commencer à voir le besoin de refaire ces grandes fêtes, ces grandes célébrations, et c'est ça qui va devenir le moteur à partir de qui va lancer effectivement la deuxième branche. Oui, il y a basiquement la demoiselle qui a aidé Arthur de ce côté-là pour la blessure lui raconte les enfances de Perlesvos, elle lui raconte pourquoi il a été nommé Perlesvos, pourquoi il a perdu les veaux de Camelot, et aussi la personne justement qu'il a tué en quittant la forêt, son espèce de péché primordial. Et après ça, justement, il repart chez lui, il entend une voix qui lui dit « Arthur, roi de Grande-Bretagne, sois heureux, Dieu m'a envoyé vers toi, il t'ordonne de tenir ta cour le plus tôt possible, car le monde que ta déchéance a conduit si bas, il trouvera grand profit. » Et donc Arthur se dit « Ah, il est temps que je me remette à flot pour que tout le monde aille mieux. » C'est vrai que c'est une solution double, hein. Y a non seulement le côté un peu... le péché de Perceval, mais aussi le péché du roi Arthur, qui n'est pas seulement la faute de l'un ou de l'autre, quoi. C'est en relation, les deux. Donc ça, c'est la première qui nous permet d'expliquer un peu la backstory, parce que tous les éléments de l'histoire, en fait, étaient mis en place par cette première branche, qui enchaîne avec l'ouverture véritable, qui, en fait, si c'était un roman de chrétien, ça commencerait par ça. La deuxième branche, vous avez une cour solennelle à Penvoiseuse, où il y a trois demoiselles qui arrivent avec un char rempli de têtes. Certaines de ces têtes sont marquées de sceaux d'or, d'autres de sceaux d'argent et d'autres de sceaux de plomb. On verra après que ça correspond au christianisme, judaïsme et à l'islam, et elles ont deux têtes, une tête de roi et une tête de reine, et elles annoncent « Ah, le chevalier qui n'avait pas posé la question, voilà, c'est le déclenchement de l'aventure. » C'est vraiment le rôle de la demoiselle hideuse, en fait. D'ailleurs, voilà. L'une d'entre elles est la demoiselle hideuse, plus ou moins. Et il y en a une, justement, qui a le bras en écharpe, on ne sait pas trop pourquoi. Gauvin, justement, quand Gauvin les accompagne pendant un temps, juste au moment où ils voient le château du roi du noir ermite, qui est basiquement une métaphore de l'enfer, j'entends des hurlements et des espèces de démons à l'intérieur, puis il y a des chevaliers qui sortent et qui prennent toutes les têtes du chariot et qui les ramènent sur des pics, et Gauvin ne pose pas de questions là-dessus, et la demoiselle dit « Ah, vous ne nous avez même pas demandé pourquoi j'avais mon bras en écharpe, eh ben sachez que maintenant je ne vous le dirai pas, mais faites gaffe, parce que si vous posez pas de questions quand vous arrivez au château du Graal, ça va mal tourner, et plein de gens vont l'avertir de poser la question au château du Graal. » C'est basiquement ce qui se passe dans la deuxième branche. Elles sont assez courtes, celles-ci. Hein. Celles-ci, oui. Il faut dire aussi que les demoiselles au chariot apportent deux choses qui devront servir à reconnaître en fait le bon chevalier au château du roi Arthur. Un bouclier qui devrait être suspendu au milieu de la salle du roi. Mm-hmm. Qui est un bouclier qui est, je crois, rayure bleue et blanche et avec une croix dessus, non ? Rayé avec une croix et puis une bosse. Une bosse dorée, effectivement. Et un chien, un petit chien, mm-hmm. qui est confié à une demoiselle de la reine et qui va, en principe, le reconnaître. Apparemment, c'est un chien qui vient, en fait, de la maison de la mère et de la sœur de Perceval. Donc, basiquement, c'est un chien qu'il connaît, quoi, qui va le reconnaître. Ça. La troisième branche, Gauvin arrive chez un ermite, on croise Clamados, l'écuyer, dont le père a été tué par Perlesos, donc on a beaucoup de mise en place, beaucoup de tension en fait. On apprend notamment que la terre de la veuve d'âme, donc la mère de Perceval, est attaquée par le seigneur des marais, donc ça on le savait avant parce que Perceval s'appelle littéralement Perlesvos, parce qu'il perd les veaux, ils sont spoiliés par le seigneur des marais. Gauvin arrive chez la veuve d'âme et il apprend que justement le seigneur des marais va jouer le château de Camelot lors d'un tournoi. Genre ils passent outre l'autorité de la veuve d'âme et ils disent ouais on va attribuer le château à un tournoi. Et Gauvin dit bon ben madame je vais vous obtenir un délai. Il va au tournoi, il gagne le tournoi, il obtient un délai je crois d'un an. Un an je crois. Il obtient un an pendant lequel le seigneur des marais promet qu'il attaquera plus le château. Ce qui monte aussi de la tension. On voit justement la menace du seigneur des marais et elles disent on attend. Le bon chevalier, on attend notre le fils Perceval. Et d'ailleurs, les gens savent pas forcément que le bon chevalier Perlesvos est celui qui a foiré la question du Graal. C'est la même personne. Ils le savent pas tous. Et justement, au fur et à mesure, les gens vont commencer à remarquer ah, c'est le même type en fait. Oui, c'est ça. Il y a pas. C'est ça qui est aussi assez rigolo là-dedans, c'est qu'il y a pas non plus une universalité comme il peut y en avoir en général dans les romans un peu plus primitifs. Qui intervient un peu plus tôt. Si quelqu'un ne reconnaît pas un personnage, c'est que la plupart des gens vont pas le reconnaître. Là, en l'occurrence, il y a vraiment une assez bonne. Il garde une assez bonne trace de qui est qui et qui c'est qui c'est qui et qui et qui c'est quoi sur qui et qui etc. Donc il y a vraiment une espèce de cohérence qui rend la lecture assez plaisante en fait. Oui, si elle est très longue, elle est logique. Oui. Il y a pas d'absurdité particulière, même s'il peut y avoir des éléments disons tirés par les cheveux pour nous. Il y a une cohérence narrative assez forte qui est assez justement engageante dans le Perlesvos. Oui, et puis justement, nous, on sait des choses que les personnages ne savent pas, et puis l'auteur, je peux jouer avec ça. C'est vrai que c'est pas mal de petites blagues du genre, typiquement celle que, après avoir voyagé justement avec les demoiselles du char, la blague qu'elles font à Gauvin, en fait, pourquoi vous n'avez pas demandé pourquoi j'ai mon bras en écharpe ? C'est un truc qu'on n'aurait pas forcément remarqué, qui d'ailleurs, il est possible de manquer si on ne le lit pas très attentivement, et on se pose un peu la même question que Gauvin, finalement, à la fin. Pourquoi on ne s'est pas demandé aussi nous-mêmes ? Donc la quatrième branche, c'est les aventures de Gauvin qu'on a déjà dit, notamment l'épisode de Marin le Jaloux. Donc il est jaloux de sa femme, il la tue lors d'un combat avec Gauvin, ce qui est quand même assez violent. Et Gauvin est extrêmement triste, il a fait amener son corps dans une chapelle, il l'a fait enterrer. Et plus tard, plein de gens vont lui rappeler ça comme si c'était une faute, mais il va répéter, elle avait rien fait de mal. Je veux dire qu'ils ont même pas, elle a même pas trompé son mari, il l'a certes convoité. Donc ça marque aussi une part, peut-être pas forcément de culpabilité, mais ça montre que ça met son attitude de joli cœur qui séduit toutes les dames en perspective. Et dans les faits, il va pas avoir de relation amoureuse. Et même Lancelot, qui est l'amoureux du roman, va jamais être vu avec la reine Guenièvre. En fait, dans les faits, tous les chevaliers sont très chastes. Perceval le plus chaste, bien sûr. C'est aussi intéressant. C'est là qu'intervient pour la première fois le chevalier Couard, qui est en fait un chevalier qui sert les demoiselles. Enfin, la demoiselle qui a le bras en écharpe, celle du chariot justement. Il avait été annoncé. Les demoiselles lui avaient dit :« Ah, je ne vais pas vous l'expliquer pourquoi j'ai le bras en écharpe, mais vous croiserez un chevalier Couard qui me sert et il vous expliquera. » Et il lui dit :« Ben, c'est parce que en fait, c'est avec ce bras qu'elle a servi le Graal. C'est elle qui portait le Graal. » Et du coup, elle se sentit coupable parce qu'elle pense qu'elle a commis un méfait en le servant à Perceval qui n'a pas posé la question. Et c'est pour ça qu'elle. Et il y a une dame qui marche à pied derrière en pénitence aussi pour le même genre de raison. Ils ont participé au service du Graal et c'est pour ça qu'ils sont en pénitence. Faut dire aussi que c'est là que le chevalier Couard, on va le retrouver à plusieurs reprises. Oui. C'est aussi un personnage assez intéressant parce qu'il n'est pas spécialement très très disons il est, c'est une esquisse de personnage, mais il est assez rigolo parce qu'il va avoir une importance grandissante et à la fin il va ne plus être un couard en fait. Il va devenir réalisé à la fin. Il va devenir le chevalier hardi. Il portait ses armes et son armure à l'envers jusqu'à ce qu'il croise Gauvin, donc il y a cette idée de pénitence et puis le chevalier qui arrive. Ah, vous m'avez enfin croisé, je suis libéré de ma pénitence parce que vous le héros chevalier vous m'avez croisé. Il rencontre aussi le chevalier mi-parti, donc il y a un bouclier qui est parti de blanc et de noir, mais qui sert Marin le Jaloux. Il se bat avec lui, puis il l'épargne parce qu'il dit oh, en fait, je tiens pas tant que ça à défendre mon seigneur, j'ai pas envie de mourir pour lui. Il l'épargne, il trouve le château de la Demoiselle Orgueilleuse, qui est un de mes épisodes préférés de toute la littérature arthurienne. C'est pas la même Demoiselle Orgueilleuse hein, qu'on voit dans le. Enfin, la Demoiselle est à peu près équivalente qu'on voit. Avec lui dans la fin du conte du Graal, il faut bien préciser. Non. Hein. C'est pas une suite de cet épisode-là. C'est pas la Malpucelle, c'est une demoiselle qui dit qu'elle attend en fait les trois meilleurs chevaliers du monde parce qu'elle peut pas les avoir comme a priori comme partenaire amoureux comme mari, et donc elle les convoite. Elle a monté une espèce de truc où il y a des reliques dans une espèce de chasse et vous devez passer la tête par une encadrure pour les regarder, et là elle tire une chevillette et il y a une lame de rasoir qui tombe et qui vous tranche la tête pendant que vous regardez les reliques, et elle dit comme ça je vais choper Gauvin, Lancelot et Perceval et je les aurai, et puis après je mourrai et je serai enterré avec elle. Donc elle a un personnage très passionné. Le problème c'est qu'elle, vu qu'elle est orgueilleuse, elle peut pas demander le nom des chevaliers et les gens qui sont en service ne peuvent pas le faire. Oui, du coup les sauve temporairement quand Gauvin, qui lui ne serait qui se présente quand on lui demande son nom, il est un peu surpris quand on lui dit ça, mais il dit bon bah voilà, je me présenterai pas du coup. Et après que le problème c'est qu'après qu'elle lui ait dit ça, il est bien content de pas s'être présenté parce qu'elle lui a montré tout le truc en pensant qu'il était un chevalier un random voilà, et c'est après coup qu'il se présente à des gens qui sont en son service et qui du coup ah en fait c'était lui, et ils partent vraiment hein, et ils essaient de le pourchasser comme un épisode de Scooby-Doo quoi. Il y a plus tard elle croisera Lancelot puis lui dira viens dans mon château c'est sympa, puis Lancelot lui dit j'ai pas très envie, puis finalement on va revoir un personnage qui essaie d'attirer Lancelot quelque part, et il y aura une révélation que c'est elle, donc un de ces épisodes qui revient. La branche 5, la suite des aventures de Gauvin, il rencontre justement Melio, qui est donc le fils de Marin le Jaloux et de sa femme, qui je crois n'a pas de nom, c'est assez terrible. Oui, c'est vraiment la pire victime de ce récit assez sinistre, parce qu'elle n'a même pas de nom. Qui a un lion apprivoisé qui le chevauche, et il veut devenir son homme liege. Gauvin est bien sûr attendri par tout ce qui s'est passé, et puis il y a un ermite qui est là et qui lui dit « Oh, vous savez, c'est à cause de vous que sa mère est morte !» Puis Gauvin dit « Non, c'est pas... » Enfin bref, il accepte de devenir son homme liege et de le servir et de le défendre, donc il crée une relation féodale entre les deux qui va avoir des conséquences pour la suite comme on l'a vu. Gauvin arrive chez le roi ermite et basiquement Perceval est là, mais le roi ermite ne veut pas qu'il le voie, et il dit mais pourquoi? Bah il dit bah il est tellement fan de combat que s'il voit un chevalier il va s'exciter, rouvrir ses blessures, je peux pas vous laisser le voir. Bon bah transmettez lui un message. Non, ça va l'exciter aussi, non je peux rien faire. Et donc on a vraiment cette, on touche presque à Perceval, on dit mais il est là, tout le monde le cherche, tout le monde veut qu'il, et dites lui que sa mère le château de sa mère est en péril et j'ai trouvé un délai d'un an, mais il faut qu'il rentre chez... Enfin il y a une tension, et voilà, et l'ermite qui dit non. Donc une entrée qui est refusée. Gauvin arrive à l'entrée de la terre du roi pêcheur. Il faut préciser aussi que là, est-ce que Gauvin sait que c'est bien Perceval? Non, il est pas parce sûr. Que mais le nous, nom on le sait. Qu'on lui donne, que, parce que l'ermite ne l'appelle pas par son nom, ouais. L'ermite lui donne un nom qui, par lui fait. Par lui fait. Qui est une espèce de jeu de mots, mais en fait il dit parce qu'il s'est fait lui-même, donc je l'appelle par lui fait. Mais bon, après il explique aussi, on sait bien que c'est Perceval parce qu'il appartient au lignage de Joseph d'Arimathie, le bon soldat. Et que c'est un bon chevalier. Mais sauf que Gauvin dit lui-même, ah, c'est possible que ce soit pas Perceval, parce que ce lignage a plein de bons chevaliers. Oui, c'est ça, il dit qu'il sait pas, donc... Mais on comprend que c'est ce qui... Mais voilà, on lui refuse cette entrée. Mais encore une fois, c'est quelque chose... C'est un certain réalisme narratif, en fait. Ouais, parce que... La pensée des personnages est assez logique, finalement, ouais, et raisonnable. Et c'est ça qui rend ce texte assez, à la fois assez paradoxal, parce qu'il est extrêmement brutal, extrêmement perturbant, mais il est aussi, finalement, très raisonnable dans son raisonnement. Il est très logique, il est très moderne de cet aspect. Il est bizarrement, moderne, mais très précurseur peut-être. Bizarrement raisonnable. Une autre chose qui va frustrer, disons, les aventures de Gauvin, c'est qu'il arrive à l'entrée de la terre du roi pêcheur, où il y a des espèces d'archers robotiques, donc des archers en cuivre, qui tirent des flèches extrêmement fort et extrêmement vite, et il n'arrive pas à passer. On lui dit, vous ne pouvez pas passer si vous n'avez pas l'épée qui a décapité Saint-Jean, et qui chaque midi se couvre de sang, parce que c'est l'heure à laquelle il a été décapité. Et si vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas passer. Donc ça déclenche une espèce de souquette, ça se fait très jeu vidéo, genre, non, cette partie n'est pas encore accessible à vous, vous devez d'abord faire cette autre partie. C'est assez intéressant, parce que c'est un peu Gauvin qui devient pour l'instant le récolteur de reliques. Il a déjà récupéré le bouclier de Judas Maccabée, il y a quelques... Oui, c'est le chevalier Quar qui lui donne le bouclier. Donc, de Judas Maccabée, qui a inventé la fauconnerie apparemment. Oui, parce que le Judas Maccabée, hein, c'est un des héros, je crois, de la fin des contes. la résistance oui. des juifs d'Israël face aux Séleucides et l'histoire d'Hanouka, hein, mmh. il me semble. Donc, en gros, ouais. Il fait intervenir, bref, des personnages bibliques aussi et leurs reliques. Et c'est pas donc du coup une grande surprise que maintenant ils retrouvent l'épée de Saint Jean-Baptiste. Et donc, il trouve d'abord un bourgeois dans une ville qui lui dit « Ah, j'aimerais bien voir l'épée, ce serait sympa. » Il rencontre les demoiselles de la tente qui ont une coutume, je reviens là-dessus après, qui ont une coutume assez bizarre dans leur tente qui va abolir. C'est ce qu'on a souvent vu, le chevalier qui trouve une coutume étrange, une espèce de rituel étrange et qui décide de l'abolir. Il continue sa quête de l'épée, je vous passe sur les détails, il rencontre une espèce de, je crois, de géant et il réussit à l'obtenir. Oui, parce qu'il est un roi païen lui dit qu'un géant qui possède l'épée lui dit qu'un géant a kidnappé son fils et qu'il faudrait qu'il ramène son fils. Ouais, et il échoue, le fils se fait tuer. Mais le pire, c'est qu'il tombe sur le géant et le fils qui sont en train de jouer aux échecs. Il lui fonce sur le géant. Il fonce sur le géant, tue le fils et puis il se base ensuite. Et du coup, après qu'il ait tué le géant, il ramène le corps du fils et le roi païen lui admet que oui, effectivement, il a tenu sa promesse et il se convertit. Il se convertit et il fait bouillir le corps de son fils et il en donne un morceau à manger à tout le monde. Voilà. Et Gauvin est très choqué et il comprend pas ce qui s'est passé. Et là, il y a une dimension allégorique, c'est-à-dire qu'on va dire oui, en fait, c'est une métaphore pour l'Eucharistie, basiquement. C'est plus ou moins la métaphore de la foi chrétienne. Quelqu'un va l'expliquer après à Gauvin. Oui, il faut préciser aussi que dans certains récits arthuriens, les explications sont toujours très très, disons, de A à A. Quoi. C'est... il se passe quelque chose d'un peu bizarre, puis on t'explique tout de suite. Alors, tu vois, Freddy, tu vois, Fred... ça représente la crucifixion, voilà. Alors que dans le Père Lesvos, t'as généralement un paquet de réponses qui t'ont données à la fois. Et qui sont souvent très incohérentes. Très incohérentes. Il y a beaucoup de choses qui sont pas expliquées aussi. Mais qui arrivent bien après, en général. Donc, t'as un peu oublié les événements, puis après, t'as un ermite qui explique. Et alors, quand tu as fait ça, en fait, ça signifiait ça. Et en fait, parfois, la première équipe, effectivement... lignée d'aventures de Gauvin qu'on explique comme ça, on dit l'ermite dit à Gauvin, Joséphée nous dit que donc oui. Il y a une espèce de côté un peu méta comme ouais. Si l'ermite peut expliquer parce qu'il a le bouquin dans lequel se passent les histoires. Justement, après une petite aventure au château de la Pelote, Gauvin arrive au château de l'Enquête, et là justement il y a l'ermite qui lui explique la sénéfiance de tout ce qu'il a vu et qui lui dit que c'était une métaphore pour le christianisme, etc. Le château de l'Enquête, c'est donc le château de la demande, en fait, de la requête ou de la... Enfin, c'est un peu le service de renseignement arthurien, quoi, où on t'explique tout ce qui s'est passé. Et dans ce château, effectivement, il apprend notamment la raison de la mort de la femme de le marin jaloux. Oui, il lui dit, en fait, j'ai vu une femme se faire tuer par son mari sans aucune raison, je comprends pas pourquoi. L'ermite lui dit, non, mais en fait, cette femme, c'est tout à fait normal qu'elle soit morte, elle symbolisait la vieille loi. Donc c'est normal qu'on la tuait, parce que ça nous montre qu'elle a été tuée d'un seul coup par l'avènement de Jésus. Ce qui est assez gore, parce que ça reste, je veux dire, c'est ça les limites de l'allégorie, ça reste une femme qui a eu un enfant et qui a été maltraitée par son mari, mais maintenant on nous dit, oui, cette espèce de crime horrible, en fait, a une signification allégorique parfaitement belle. En fait, j'ai presque l'impression que ces passages sont vraiment beaucoup plus destinés au lecteur qu'au chevalier. Oui. L'ermite, enfin seigneur du château ouais. Le dit effectivement clairement, c'est Joséphée qui nous dit que... Donc c'est vraiment l'impression qu'il a accès au livre, donc et c'est par contre l'avantage de ces grands passages, c'est qu'ils permettent d'alléger pas mal quand même le texte en lui-même. Il se passe beaucoup de choses, les événements peuvent s'enchaîner sans qu'il y ait besoin de faire ces passages explicatifs après chaque événement. D'autant qu'après on va plonger dans des événements assez bizarres. Ce qui est plutôt le cas, par exemple dans la quest del Saint Graal, donc dans la quête dans le Lancelot Graal, c'est beaucoup plus direct et peut-être ça a l'air beaucoup plus artificiel. En fait, c'est pas sorcier un peu. Ça colle beaucoup mieux. C'est-à-dire que les explications, on a l'impression de voir, ok, cet épisode a clairement été créé pour nous transmettre ce message, mais que là, on dirait quelqu'un qui essaye d'improviser une explication sur quelque chose de très violent, et il y a un côté disjoint entre l'événement et l'explication qui crée une tension qui est presque plus intéressante et incohérente. Même si effectivement, c'est parfois un peu bizarre comme explication, comme ce côté de la vieille loi justement pour le meurtre de la femme de marin. Ce qui nous amène au château du Graal, Gauvin s'est fait, enfin on a dit, il avait notamment, il s'était fait voler l'épée par le bourgeois qui voulait la voir, genre il lui fait, ah vous m'avez dit que vous me montriez l'épée, il la lui montre, il se barre avec et il doit la récupérer, il avait aboli la coutume des demoiselles de la tente, il avait tué deux chevaliers dont un qui était un descendant d'Achille. Et d'ailleurs tu n'as pas expliqué les coutumes de la demoiselle de la tente, quelles étaient, cette coutume bizarre qu'elles avaient. En réalité, les deux modèles, la coutume n'est pas entièrement, enfin, j'ai pas vraiment compris la coutume explicitement, mais elles disent, il faut que vous abolissiez la coutume cruelle qui a lieu dans cette tente, et il faut que vous choisissiez une de nous deux. Donc il doit choisir comme compagne une des deux demoiselles qui l'accueille. Gauvin n'a pas envie de faire ça, et les demoiselles le raillent, genre, ah, mais si c'était vraiment Gauvin, le neveu du roi Arthur, on lui proposerait de veiller 3 nuits, et il en veillerait 4, et Gauvin, en fait, est crevé, et il veut dormir. Et il y a cette idée, justement, que la réputation de Gauvin le poursuit, et on voit très régulièrement dans ce roman, les demoiselles qui convoitent les chevaliers, mais eux, ils sont chastes, pour une raison ou pour l'autre. Lancelot est un amant, il est consumé par l'amour, mais comme il est amoureux de Guenièvre qui est pas là, bah, dans les faits, il est tout aussi chaste que les autres, parce qu'il refuse autant les avances des dames. Le seul qui flirte un peu avec des dames, en fait, c'est Arthur, ironiquement, plus tard, quand il se balade avec Gauvin, il répond un peu aux avances des dames, alors que tous les autres sont beaucoup plus pur que d'habitude, et Gauvin justement a une réflexion sur son attitude passée. Il refuse de faire ça. Le lendemain, il y a deux chevaliers qui arrivent et qui disent « Ah, vous avez occupé notre tente », et ils le combattent, et Gauvin, en les tuant, met fin à la coutume. C'est probablement un truc du genre ils doivent en choisir une, et puis après les deux autres arrivent, puis ils butent le chevalier, quoi. Ouais. Un truc comme ça. Et en fait, un des deux chevaliers était un descendant d'Achille, et du coup Gauvin doit lui passer l'épée à travers la plante du pied pour le tuer. En fait, son point faible, c'était le pied, parce qu'il descendait d'Achille. Donc ça, c'était avant. Un exemple d'aventure parmi d'autres qui vont d'ailleurs revenir hanter les chevaliers. Comme d'habitude, Gauvin va au château du Graal. Il arrive enfin au château du Graal. Il rencontre le. Il donne l'épée. Hein, donne l'épée. Ah, vous avez réussi à la conquérir. Seul quelqu'un de vertu aurait pu le faire. Bien joué. Il y a la sœur de Perceval qui est là, donc apparemment elle n'a pas de problème à trouver le château du Graal. Mais d'ailleurs, en fait, tout le récit du Père Lesbos à partir de là va faire intervenir le roi pêcheur, pas tellement directement dans le récit, mais enfin, on parle beaucoup du roi pêcheur comme un allié fidèle. C'est quelqu'un qui est très. Ce côté un peu fantastique, là où il arrive, il apparaît dans la brume. alors que là, c'est vraiment un château important. C'est le château des âmes, on apprendra après, parce que tous les gens qui meurent dans ce château vont directement au paradis. C'est un château qui a une présence physique importante, qui disparaît pas. Il n'y a pas de ce côté qui disparaît. Il dit que la nature autour se reconfigure apparemment et qu'on n'arrive pas à s'y retrouver dans la terre du roi pêcheur. Mais il n'y a pas cette notion de disparition. En tout cas, quand Lancelot y va, quand Gauvin y va, il n'y a pas la. Non, il ne se réveille pas au milieu de rien, anéanti. Non, donc Gauvin y arrive, il peut les saluer. La demoiselle dit oui, on a besoin que mon frère vienne nous aider. Puis Gauvin dit ah, je sais pas si c'est votre frère, mais j'ai vu un mec qui s'appelait Parlui-Fay dans un ermitage et apparemment c'est le meilleur chevalier du monde. Elle lui dit ah non, mon frère s'appelle pas Parlui-Fay, il s'appelle Père Lesbos, ça n'a rien à voir. Ce qui est très calme. Tu sais, genre, ah non, ça peut pas être lui, alors que ben, nous, on voit évidemment que c'est lui. Mais les gens le savent pas encore, le roi pêcheur le sait pas encore, ça le sera annoncé plus tard. Il sait pas encore, en fait, que c'est Perceval, son neveu, qui a échoué l'épreuve. Il y a, à propos des reliques, le roi pêcheur a un morceau de la vraie croix chez lui, qui est apparemment magnifique, donc relique ultime. Ils servent le repas à Gauvin, et tout le monde lui dit, faites attention à poser la question. Donc là, il y a, je pense, à peu près 10 personnes qui lui ont dit de faire attention à poser la question. Et comme vous vous en doutez, bien sûr, il va échouer alors qu'il est pendant le repas et qu'on amène plein de gibier de qualité et de choses comme ça. Il est un peu transfiguré par le Graal, en fait. Il est transfiguré par par le cortège. Il voit justement le cortège avec une qui tient entre ses deux mains le très saint Graal, l'autre la lance dont la pointe laisse sourdre le sang dans le saint vase. Donc là, le sang coule dans le vase. Elles avancent côte à côte. Elles entrent dans la salle. Monsieur Gauvin regarde le Graal et il lui semble avoir une chandelle à l'intérieur, tel qu'il y en avait fort peu en ce temps-là. Il aperçut donc il y a aussi beaucoup de. On nous parle aussi beaucoup de l'apparition de certains objets. Donc on est dans une espèce de préhistoire. Genre les calices n'existent pas. Ouais, et c'est le Graal qui va inspirer les calices. En tout cas, non, il dit pas que les calices n'existent pas. Ils n'existent pas en Bretagne. Ils n'existent pas en Bretagne. Donc il dit c'est ça qui va inspirer le roi Arthur à créer des calices et les cloches aussi. Apparemment, il y a pas encore de cloches, mais quand le roi Arthur en entendra, il voudra les créer. Bah là, on nous dit ah ouais, il voit une chandelle, mais il y avait pas tant de chandelles à l'époque. Il est totalement absorbé dans ses pensées. Et je fais, il le regarde, ils se disent, mais qu'est-ce qu'il fait? C'est pas compliqué. Tout le monde panique. Il voit des anges. Il croit voir un enfant dans le Graal. Donc, bah, bien sûr, c'est l'enfant Jésus. Il voit 3 gouttes de sang tomber sur la nappe qui sont un écho des 3 gouttes de sang qui avaient transfiguré Perceval dans la neige. Sauf que là, ça lui fait pas penser à de l'amour. Ça le fixe juste et il tend la main vers les gouttes et il arrive pas à les toucher. Elles disparaissent. Et le moment passe et il a échoué. Il a pas posé la question. Il a juste été complètement ébahi par ça et il a pas réussi. Tout le monde est déçu. Mais c'est la fin. Il y a un échiquier qui joue tout seul. On avait déjà vu ce motif dans les continuations. Là, il y a un échiquier qui joue tout seul. Gauvin se fait battre de nouveau. Trois fois. Il sort et il voit une. Checkmate, Gauvin. Et il voit des espèces de trucs météorologiques bizarres. Genre, il voit de l'orage d'un côté et du soleil de l'autre qui le pourchasse, qui marque un peu le tourment qui le poursuit. Gauvin rencontre ensuite Lancelot. Il entend quelqu'un qui dit « Ah, il y a un chevalier qui est aux prises avec quatre autres chevaliers. » Puis en fait, c'est Lancelot. Gauvin vient à la rescousse juste à temps pour le sauver. Et il tue des chevaliers qui, bien sûr, vont revenir les hanter parce qu'ils ont de la famille qui va les détester. Il aide Lancelot à faire ça. Ils échangent leurs aventures. Gauvin parle à Lancelot de sa mésaventure au château de Galles. Il dit « Non, j'ai pas réussi. » Lancelot se dit « Ah, il faut que j'y aille, moi. » Puis Lancelot et Gauvin se séparent. Gauvin veut retourner à la cour d'Arthur. Lancelot va dans la forêt. Après plusieurs aventures, il arrive au château des Barbes où ils disent « Ah, donnez-nous votre barbe, on va la prendre pour faire des robes pour des ermites, enfin des espèces de haies pour ermites. » Lancelot refuse, bien sûr. Et le truc le plus abscond probablement du récit, le château des Barbes. Et ouais, c'est là aussi qu'il va arriver à la Gaste-Cité, en fait. La Gaste-Cité, au milieu un peu de nulle part, il y a tout qui est dans un état absolument horrible. Il entend des pleurs et il arrive dans une ville, il arrive au centre de la ville, et là il voit un jeune homme qui lui dit qui porte une hache et qui dit vous devez me décapiter et revenir dans un an ici pour être décapité à votre tour. Et Lancelot accepte pas tout de suite, mais il jure sur l'irlic, ok, je reviens dans un an. Et au dernier moment, il demande au jeune homme, mais au fait, vous voudriez pas avoir merci sur vous-même, pourquoi je dois absolument vous décapiter? Et là le jeune homme lui dit non, la seule façon dont je pourrais m'en sortir, c'est en vous décapitant vous. Alors Lancelot se dit, bon, ok. Et il le décapite d'un coup. Cache. Et il part. Et c'est vraiment très Lucky Luke, à un moment, il part sans se retourner, parce qu'il se dit, bon, mieux vaut pas que je reste dans les parages. Et en fait, il part et on dit qu'il entend vraiment les pleurs de toute la ville, parce qu'apparemment, ça devait être un jeune homme de la famille régnante de la ville qui est mort, et tout le monde pleure derrière lui, et c'est terrible. Oh. Et c'est là que se termine la sixième branche, et c'est là qu'on va, pour la première fois, gentiment voir l'arrivée de Lancelot. Et sa rencontre avec chez l'ermite et sa rencontre avec Père Lesvos. Il y a un autre épisode qu'on n'a pas mentionné juste avant, c'est un des rares épisodes qu'on peut, je pense, couper un peu. C'est, il arrive dans un cimetière la nuit où il voit un nain qui creuse une tombe qui est destinée à un chevalier qui est dans une chapelle. Et quand il entre dans la chapelle, en fait, le chevalier se met à saigner. Un motif qu'on avait déjà vu, le motif de la cruentation, c'est-à-dire que quand le coupable arrive, la victime se met à saigner, ce qui prouve que Lancelot est coupable. Et donc deux chevaliers se jettent sur lui, même s'il dit non, mais c'était légitime, etc. Donc le motif de la vendetta qui est encore là, qui va revenir un peu quelque part dans cette Gaste-Cité et qui est déjà là, effectivement, suggéré avec juste avant qu'il arrive dans la Gaste-Cité, effectivement, par le nain et le cimetière. Donc je pense en termes de contenu narratif, en termes de plot, c'est un peu la première moitié de l'histoire qu'on vient de vous raconter là. En termes de contenu purement de texte, je pense que c'est plutôt le tiers, parce que les branches suivantes sont beaucoup plus longues. Et vont faire intervenir des allers-retours un peu plus... Il y a beaucoup plus d'interactions entre les chevaliers aussi à partir de là. Jusque-là, on était assez limité sur Gauvin, d'abord Arthur, Gauvin et puis Lancelot. Et c'est là qu'on va vraiment. Ils vont commencer à voyager par pair, en fait. Et puis, ils vont aussi beaucoup retrouver les gens qu'on a vus là. On va les recroiser plusieurs fois et voir ce qu'ils deviennent, en fait. Et surtout, dans la deuxième moitié de l'aventure, on a une multiplication des ennemis vers la fin. Donc, on a une première menace, on l'a 20, une deuxième menace, troisième menace, qui viennent s'enchaîner. Donc, ça se résume assez facilement. Mais c'est vrai que dans le corps du texte, ça prend quand même beaucoup de place. Alors nous reprenons maintenant avec la septième branche, car comme nous dit le texte, encore une fois, voici que commence une nouvelle branche du conte du Saint Graal, comme en témoigne l'autorité de l'écriture et Joséphée, qui en est le narrateur, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, l'invocation de la Trinité qui commence chacune des branches. On entre vraiment dans le sujet, parce que jusque-là, on avait simplement monté la tension autour du personnage de Perceval, des attentes qu'on avait autour de ce bon chevalier, son avènement presque prophétique. Et là, on va finalement le débusquer. Lancelot va le retrouver chez l'ermite. Et immédiatement, il semble que l'ermite avait raison, parce que dès que Perlesvaux se sent un peu mieux, il se dit « Bon, bah, il est temps de se battre avec un chevalier. » Et il attaque Lancelot sans aucune raison. Lancelot essaie de le raisonner et de comprendre pourquoi est-ce qu'il l'a attaqué. Et lui dit « Bon, essaie de raisonner avec lui, ça ne marche pas très bien. » Et ils se battent si bien que c'est Lancelot qui est blessé et qui maintenant doit rester chez l'ermite. Mais Perceval est de retour dans le jeu. Ce qui est assez intéressant, parce que du coup on a de nouveau un nouveau personnage qui est mis sur le banc, qui est mis en réserve, qui va revenir plus tard. Ça c'est très alternatif comme ça. Il prend le relais. On arrive donc chez la Reine des Tentes, qui, bon, je ne vais pas forcément entrer dans les détails, mais c'est là justement que Clamados des Ombres, qui est le fils du chevalier au bouclier vermeil, parce que oui, le chevalier que Perceval avait tué était une espèce d'écho du chevalier vermeil dans le conte du Graal, même s'il a clairement donc celui pas... celui qu'il tue après être pas... juste à l'arrivée à la cour du roi Arthur, voilà, pour obtenir ses armes. Mais il n'est pas aussi maléfique, parce que là où le chevalier vermeil était clairement en train d'empiéter sur l'autorité du roi Arthur, là, c'est un chevalier qui a été tué un peu par surprise. Clamados réclame donc un combat auprès des Dames des Tentes. C'est Melio, donc l'homme liche de Gauvin, qui intervient et qui dit « Non, c'est moi qui dois me battre d'abord. » Et puis les gens discutent « Ah ouais, quelle priorité il faut donner à quel combat ?» Et finalement, il y a un combat judiciaire, après quoi Perceval a 40 jours pour revenir si Clamados ne succombe pas à ses blessures. Parce qu'il est très gravement blessé, je vous ai dit que les combats étaient assez graphiques. Oui, là, il faut préciser que le récit, en fait, se sépare de Perlesvos brièvement. Et c'est là qu'on explique qui est Clamados. Clamados arrive chez Arthur, et on suit Clamados en fait comme un protagoniste sur ce moment. Ce qui est assez intéressant, parce qu'en fait il va mourir dans quelques épisodes. C'est juste très brièvement, on voit vraiment lui, comment il arrive et comment il rencontre le lion, que nous on peut deviner est le lion de Mélion. Il y a beaucoup de lions quand même. Ouais, il y a quand même beaucoup de lions, donc c'est vrai qu'on pourrait penser. On pourrait penser que c'est un autre lion. C'est le lion de Mélion, et effectivement après, bah, la rencontre avec Perlesvos, le combat judiciaire contre Mélio pour le meurtre du lion, et le délai de 40 jours. Donc la branche se finit avec la demoiselle du char qui était dans le coin, donc il y a toutes ces demoiselles qui disent des trucs énigmatiques qui restent chez la demoiselle des Tentes, pendant que Perlesvos retourne chez son oncle ermite et on lui apprend que Lancelot va mieux et qu'il est guéri et qu'il est reparti. Ce qui nous amène à la huitième branche, qui est en fait extrêmement longue, mais qu'on va pouvoir vous résumer plus ou moins, parce qu'on a déjà annoncé certaines des choses qui vont se passer et qu'il y en a d'autres que vous attendez à ce qu'elles se passent en fait. Lancelot rencontre d'abord Marin le Jaloux, donc on a vu qu'il avait tué sa femme, qui est le père de Mélio. Il le combat, il le blesse et il lui fait renoncer à un château qu'il revendiquait. Il essayait de spolier quelqu'un, donc on voit que c'est un personnage qui est quand même très négatif. Lancelot le vainc. Il arrive à une cité qui brûle, c'est-à-dire qu'il y a une extrémité de la cité qui est en feu, et on dit que le feu ne s'éteindra que quand quelqu'un acceptera d'être roi de la cité et de se jeter dans les flammes au bout d'un an. Donc c'est très fraiserien, hein. Là on a un monarque sacrifié. Et ils disent « Oh Lancelot, tant mieux, vous arrivez ici, vous êtes notre roi et vous allez faire ça. » Puis Lancelot dit « Non, j'ai pas vraiment envie de me jeter dans du feu pour être roi. » Et il y a un nain qui passe par là et qui accepte le rôle de roi, et les habitants de la ville sont très contents et ils le couronnent roi, et puis on assume qu'un an plus tard il se jettera dans le feu. Ensuite, il rencontre on va l'appeler José, je pense. José, qui est le fils de Pélès, qui a commis un péché. Il a tué sa mère, en fait. C'est pour ça qu'il est devenu ermite par pénitence. Donc, un ermite fils d'ermite. Hein. C'est un ermite de Pélès, fils de Pélès. C'est le fils de Pélès. C'est le cousin, donc, germain de Perceval. Enfin, Perlesvos. Il y a un passage qui est assez cruel, en fait. C'est-à-dire que pendant la nuit, il y a des brigands qui attaquent. José, apparemment, arrive à se défendre assez bien pour un ermite parce qu'il ligote les quatre brigands. Faut dire qu'il est jeune. Il y a beaucoup d'emphase sur le fait que, contrairement aux autres ermites, lui, il est jeune, en fait. Justement, il voit José, puis là, genre, il a pas une barbe de 3 mètres de long. C'est quand même surprenant. Il les ligote. Et il demande à Lancelot s'il va avoir pitié d'eux. Et Lancelot dit « Non, j'aurais jamais pitié d'un voleur. » Et apparemment, ils se font pendre sur instigation de Lancelot. Et c'est les aventures de Lancelot qu'on va continuer à suivre. Parce que rappelez-vous, il avait annoncé son désir d'aller au château du Graal pour tenter de faire ce que Gauvin avait échoué. Et c'est ce qu'on va voir le faire maintenant. Il rencontre d'abord un ermite qui lui dit « Il faut vous confesser. » Puis on lui a déjà dit effectivement « Ah, vous savez, si vous êtes amoureux, un amoureux comme vous ne peut pas accéder au château du Graal parce qu'il n'est pas pur. » Et Lancelot arrive vers l'ermite, décide de se confesser de tous ses péchés, sauf un. Puis il y a l'ermite qui dit, bon bah quel est le péché que vous voulez pas confesser? Et Lancelot dit, bah c'est que j'aime la reine Guenièvre, et puis la reine Guenièvre c'est vraiment la meilleure, elle est la plus belle, la plus vertueuse, et c'est normal que je l'aime, elle m'a conseillé son amour, et c'est normal que je le réciproque. Et l'ermite lui dit, ouais mais ça reste quelque chose qui est hors des bornes du mariage. Un péché mortel. Ça reste un péché mortel, et si vous ne l'abandonnez pas, vous pourrez pas, basiquement vous pourrez pas accéder au Graal. Et il dit aussi, elle est d'autant plus blâmable qu'elle est belle et noble, parce que c'est une faute chez quelqu'un de grande valeur a plus de ouais, poids, a plus de perte en fait que, la... que quelqu'un de petite vertu. Puis du coup, c'est une espèce de dialogue de sourds en fait, où l'ermite parle en termes, disons, de repentance théologique et de pénitence, et Lancelot dit non, non, mais là, est dans une défense véhémente des valeurs courtoises, où il considère que cet amour est légitime, et les deux n'entendent pas raison, mais du coup, on voit deux perspectives différentes. Je pense qu'il y a une vision assez négative de l'amour, mais ça reste assez ambigu, c'est-à-dire qu'on peut quand même être quand même un peu du côté de Lancelot, vu que c'est la seule personne amoureuse du roman. Probablement que pour le public de l'époque, ouais, il faut quand même admettre que l'amour, c'est un truc sympa. Un peu quand même jeter un os pour défendre un peu les chevaliers amoureux de leur dame dans cette histoire, effectivement. Et donc, Lancelot arrive au château du roi pêcheur, il y entre sans aucune crainte. Donc, parce qu'il y a deux lions qui gardent l'entrée, et il y a des lions qui se dit Gauvin l'a fait, Gauvin a dû passer là-dedans, donc je vais aussi le faire. C'est ça, genre, ouais, si Gauvin a réussi, ça ne devrait pas être... un problème. Puis il y avait aussi, je crois, Gauvin voyait des ponts maigres, etc., que Lancelot ne voit pas du tout, lui, en fait. Il voit pas l'entrée aussi périlleuse que lui. Effectivement, parce que, bah, en fait, pour Lancelot, c'est pas une épreuve, parce qu'on sait déjà que... C'est un très bon chevalier. C'est un très bon chevalier, mais surtout parce que le Graal va pas lui apparaître, en fait. Donc, c'est déjà décidé. C'est marrant, parce que, du coup, pour Lancelot, le roi pêcheur a beaucoup plus cet aspect du seigneur local, en fait, ouais. Standard, alors que pour Gauvin et Perceval, qui vont essayer de voir le Graal, il y a un mystique beaucoup plus présent, donc c'est peut-être aussi là-dessus que ça joue. Et d'ailleurs, quand il l'accueille, alors que les autres, le roi pêcheur est beaucoup plus mystérieux, là, c'est vraiment, vous êtes Lancelot, vous pouvez me demander... Il lui demande déjà, il demande des nouvelles du fils de feu Julien le Gros, dévot de Camelot, parce qu'il sait que ça, il a entendu parler de lui, il sait que c'est le fils de sa sœur. Mmh. Et alors il lui raconte, il lui explique. Je l'ai vu chez son oncle, le roi ermite. Voilà, et il lui explique que lui-même est Lancelot. Et le roi pêcheur lui dit, ah mais alors dans ce cas, nous sommes apparentés, donc vous êtes un bon chevalier, forcément, vu qu'il est du lignage de Ban de Benwick. Et ensuite, il lui propose d'aller voir le Saint Graal pour le tester un peu. Mmh. Et en fait, il lui explique que le Saint Graal est déjà apparu à deux reprises. D'abord, un chevalier dont il ignore le nom. Qui était très taciturne et passif, et à Monseigneur Gauvin. Et puis Lancelot lui dit « Mais Seigneur, c'était Père Lesvaux, c'était votre neveu. » Et là, il dit « Ah, vous êtes certain de ce que vous dites ? Oui, oui, c'est lui. » Et donc il dit « Ah, mais pourquoi est-ce que je ne l'ai pas su ? Sinon, je me serais comporté différemment. » Il y avait jusque-là, le roi pêcheur n'était pas au courant que Père Lesvaux, c'est la personne qui n'avait pas posé la question, était la même personne. Et là, donc ils passent à table, il y a une scène de repas, et le repas se déroule sans que le Graal n'apparaisse. Tout simplement parce que non pas parce que Lancelot, le texte nous dit bien, non pas parce que Lancelot n'est pas l'un des trois meilleurs chevaliers du monde, mais bien parce que il avait commis un péché en aimant la reine sans repentir. Et il peut pas détourner son cœur de la reine. En fait, le Graal finalement n'apparaît pas aux personnes qui ne peuvent pas détourner leur attention de même du Graal en fait. Mm-hmm. Le Graal, la preuve c'est que Gauvin qui fixe le Graal avec à peu près la même intention que Lancelot fixe Guenièvre, on ne peut pas non plus poser la question. Bon, ce qui est étrange, parce qu'en fait, le péché que Gauvin aurait fait, ça aurait aussi été d'être un joli cœur et d'avoir été un peu lâche et d'avoir manqué de chasteté. Mais on a l'impression, quand on lit le récit, qu'il a abandonné ça, en fait. Et pourtant, le Graal ne lui apparaît toujours pas. Et il a cette espèce d'épisode de fascination qui n'a pas la même explication que Lancelot, où c'est simplement, ouais, il aime la reine. Ensuite, Lancelot quitte le château du Graal, il rencontre une jeune fille qui est désolée parce que le chevalier qui l'accompagne refuse de l'épouser. Genre, le chevalier qui est avec elle lui avait promis de l'épouser, mais en fait il en aime une autre et donc il va se débarrasser d'elle quelque part, la coller quelque part et puis aller se marier avec celle qu'il aime. Lancelot devient d'un seul coup un défenseur ardent du mariage, ce qui est relatif. Alors, c'est ça, là c'est un peu ambigu, c'est un peu ambivalent. Parce que d'un côté on peut dire, il dit, ah mais chevalier, si vous ne respectez pas votre promesse d'amour, je vais vous tuer. Genre, il dit, je vais me combattre contre vous et vous parler, je vais vous forcé à épouser cette dame, et il emmène le chevalier devant un ermite avec la demoiselle, et il le force à respecter sa promesse de fiançailles, même s'il ne l'aime plus et qu'il en aime une autre. Il faut dire que la situation est un peu particulière, parce que la demoiselle en question, était d'une famille très très riche, alors que le chevalier lui-même est de famille modeste, et le père de la demoiselle lui avait interdit ce mariage, et que du coup, elle avait renoncé à tous ses biens pour suivre ce chevalier. Et que lui, après, il la rejette. Et lui, il la rejette. Et du coup, elle a été complètement déshéritée. Elle est dans une situation horrible s'il lui refuse le mariage. Du coup, c'est une situation que je trouve assez intéressante sur le plan moral, parce que est-ce que ça veut dire que Lancelot est le défenseur de l'amour, et donc il défend les promesses d'amour, et il faut, quand vous êtes engagé en amour, il faut rester engagé, ce qu'il a fait avec Guenièvre. Mais est-ce que c'est pas un peu ironique quand c'est de la part de quelqu'un qui est dans une relation qui est adultère, de marier de force deux personnes devant un ermite? D'ailleurs, ça va revenir, en fait. On va revoir ces personnages, d'autres chevaliers vont se rendre chez eux, et on va voir que, ben, bien sûr, la dame, elle est pas très heureuse parce que son mari, qui ne l'aime pas, ne la traite pas très bien. Lancelot repart, il retourne à Penvoiseuse où se trouvent le roi Arthur et la reine Guenièvre. Donc c'est le château où il y avait eu la grande fête au début. En fait, c'est un peu la cour principale, même plus que Carduel. Parce qu'au début, ils sont à Carduel et après, ils vont à Penvoiseuse pour faire la fête où arrive le chariot. Donc j'imagine que c'est effectivement un peu le rôle qu'elle a là-dedans. C'est intéressant d'ailleurs parce que Penvoiseuse se trouve explicitement au Pays de Galles, alors que c'est pas tellement. Enfin, Carduel probablement aussi, mais c'est pas explicitement dit, alors qu'il y a une emphase sur vraiment l'emplacement gallois de Penvoiseuse. Et donc ensuite, on arrive aux aventures de Perlesvos, où la mort de Clamados le délivre de sa promesse de combattre contre lui. Il arrive au château de la Reine des Pucelles, il en apprend que le roi de Château Mortel veut l'attaquer, et il le repousse dans une espèce de presqu'île, donc il arrive à repousser le roi de Château Mortel. Et en fait, il le fait de façon particulièrement... parce qu'il se fait face au roi de Château Mortel, il lui dit qu'il est son neveu, et là, le roi de Château Mortel fuit. Mm-hmm. Mais vraiment instantanément, quoi. Il va prendre un bateau et il fuit, quoi. Et du coup... C'est Perceval qui récupère une espèce de petite marine, un peu, on a l'impression, parce qu'il va à partir de ce moment-là apparaître à Penvoiseuse sur une nef, en fait. Il arrive en bateau, il prend le bouclier qui était destiné à lui sur la colonne, il échange avec son bouclier et il repart instantanément. Ouais, il y a une dimension assez similaire à celle du passage dans le rêve, en fait, parce qu'au début, c'est... Il y a l'implication, c'est que ça se passe pendant la nuit. Ouais, c'est un peu bizarre parce qu'il y a une nef qui arrive et il y a le roi Arthur qui arrive dedans pour voir ce qui se passe. Et il y a quelqu'un qui lui dit « Oh, il y a un chevalier qui se repose », puis on comprend que c'est Perceval et il va venir prendre le bouclier dans la grande salle. Donc on a l'impression que ça va se passer en secret. Et que... Donc là, il y a ce bout de passage où un bateau nocturne, comme on avait vu avec justement... Dans la première continuation de Perceval. Avec le motif de l'insomnie, etc. Mais en fait, le lendemain, tout le monde est là dans la salle et Perceval vient le prendre. Donc, pourquoi il y avait cet épisode mystérieux du bateau si ça se passe en public et que tout le monde peut le voir? Parce qu'il faut bien que les gens le voient. Et du coup, faut dire au passage que la sœur de Perceval, enfin de Perlesvos, on échange toujours le nom, mais c'est le même personnage. Donc, la sœur en question est passée déjà la veille, enfin quelques jours avant, et elle a été reconnue par le chien. Qu'elle ne reconnaît pas. Elle a été reconnue par le chien, puis elle dit, au fait, si vous voyez mon frère, dites-lui que ma mère a toujours besoin de son concours contre le seigneur des marais, ce serait sympa. Et quand Perceval vient prendre le bouclier, Arthur oublie de lui demander, il fait, ah mince, j'ai oublié. Et puis il dit, ah mais vous m'avez promis que vous lui disiez. Et c'est pour ça qu'en fait, Gauvin et Lancelot vont retourner chercher Perceval pour essayer d'accomplir cette promesse de leur souverain, c'est-à-dire de demander le secours de Perceval, qui apparemment est le seul qui peut sauver sa famille, qui est toujours en péril. Donc, les aventures de Lancelot et Gauvin à la poursuite de Perceval sont assez un petit côté un peu le Netoons où on se court après et on se rate. Notamment, Gauvin rencontre Perlesvos trois fois sans le reconnaître parce qu'il n'arrête pas de changer d'écu. Il vient d'avoir un nouvel écu déjà. Hein. Et à suite de diverses circonstances, il se retrouve avec un écu tout doré, en fait. Mm-hmm. Et du coup, Perceval est censé avoir un écu justement rayé d'azur avec une bosse dorée et une croix rouge dessus. Et alors, du coup, Gauvin ne pense pas, effectivement, que ça pourrait être lui. Et il n'arrête pas de changer. Puis bien sûr, nous, on voit assez vite que c'est lui à chaque fois. Mais Gauvin est un peu perplexe parce qu'il dit « Ah, trop souvent mu son escu. » Trop souvent son écu mu. Et c'est assez intéressant. Bon, il y a le motif du tournoi de la Lande Vermeille où justement Perlesvos et Gauvin sont les meilleurs et Gauvin ne le reconnaît pas forcément. Lancelot a de nouvelles aventures où il arrive au château du Cercle d'Or. On avait dit cette relique qui passait de main en main. Il est assiégé par des brigands. Donc là, il y a toujours une notion de vendetta. Et là, il y a une interruption en fait. Il est assiégé par des brigands et le récit vraiment va passer. Alors, ça, c'est assez particulier parce que c'est un moment de feuilleton, comme le note Strubel. Il est assailli et donc il y a des gens qui gardent la porte du château. Mais il dit qu'il a assez de provisions, donc il n'est pas en danger de mort immédiate. Mais il ne peut pas sortir parce que dès qu'il sort, on va lui faire une embuscade et les brigands n'osent pas entrer. Et il dit bon, on va retourner aux histoires de Gauvin et de Perlesvos, puis on va voir plus tard ce qu'il arrive à Lancelot. Il y a un épisode de feuilleton qui est assez rare généralement, quand on commence une aventure généralement on la finit. Gauvin et Perlesvos se retrouvent Ils vont délivrer Lancelot, bien sûr. Ils arrivent, ils tuent les brigands. Puis ils se séparent à nouveau, maintenant que Perlesvos a été informé de ce qu'il avait besoin de rentrer chez lui. On a le récit de la mort de Lot, donc le fils d'Arthur. Donc là, c'est encore une fois, l'histoire ne va pas complètement se développer avant la branche suivante. Mais on nous raconte déjà la mort de Lot. On dit, ouais, il a tué un géant, il s'est endormi dessus parce qu'il faisait ça sur les gens qu'il tuait. C'est la coutume un peu bizarre de Lot, oui, effectivement. Et que, d'ailleurs, peut-être qu'il y a un fond mythique plus vieux parce qu'on sait que c'est un personnage gallois. Peut-être que ce motif était plus compris à l'époque. Peut-être qu'il y avait une autre fonction, très difficile à dire. Que voit Lot endormi, il lui tranche la tête et il s'empare de la tête du géant pour aller se prendre les exploits du héros, en fait. Un motif, il va... Et c'est justifié par le fait que Queu est censé être un chevalier assez méprisé, ouais, à la cour du roi Arthur, dans Perlesvos. Beaucoup plus que dans les autres, d'ailleurs, où il est quand même puissant. Là, on a vraiment l'impression que c'est un chevalier de seconde zone. Ouais, et qu'il en souffre, en fait. Il est meubé par les autres. Voilà, dans le... Plus tard, quand... justement, quand on va y avoir le test qui permettra de trouver le meurtrier, Queu ne va pas avoir l'occasion d'essayer en même temps que les autres. Et c'est seulement après... Quand il arrive et qu'il demande s'il peut suivre, Arthur dit « Ah tiens, je t'avais oublié que... Ouais. » Donc il y a ce côté un peu peut-être un peu plus méprisant justement par rapport à Queu qu'on ne retrouve pas forcément. Il y a un côté Queu, il est énervant, mais c'est pas non plus un mauvais bougre au fond. Alors que là, vraiment, il est maléfique, quoi. Il tue le fils du roi Arthur, il tue son neveu. Hein. Mm-hmm. Donc c'est quand même pas... Voilà, mais c'est un affreux jojo là-dedans. La scène, c'est pas encore développé, c'est juste que nous, on nous informe déjà de ce qui s'est passé, puis on s'attend, l'eau a disparu, les gens savent pas ce qui lui est arrivé, Queu a indûment été crédité pour cet exploit, on attend à ce que ça se déclenche. Et une damoiselle est venue embaumer le corps de Loholt et récupérer sa tête pour la mettre dans une boîte. Parce que justement, il y a l'idée que le corps du défunt peut révéler le meurtrier, parce que c'est celui qui fait réagir le corps de cette manière-là. Faut dire qu'on est à peu près à ce moment-là, on arrive gentiment à peu près à la moitié du texte en termes de folio. Bon, ouais, c'est ça, mais on va pouvoir beaucoup résumer parce qu'en fait la fin bégaye un peu. On va avoir beaucoup de redites qui se produisent. Après l'épisode de la mort de l'eau, on a les retrouvailles entre Perceval et sa sœur. Oui, il voit une demoiselle dont il ne sait pas immédiatement que c'est sa sœur, mais qui fait un monologue de désespoir sur le fait qu'elle est qu'elle ne pourra pas échapper à l'exil, quand son château sera pris après l'échéance du délai à cause du roi du château mortel ou du seigneur des marais. Perceval ne veut pas encore s'annoncer face à sa sœur. Il lui promet son aide. La sœur de Perceval doit d'abord aller chercher un drap dans un cercueil dans le cimetière périlleux où il y a apparemment des espèces d'apparitions démoniaques. C'est assez vivace, en fait. Il semblerait assez clair que le drap en question, c'est le Saint-Suaire, en fait. Mais il se sépare de sa sœur parce qu'elle va s'exposer à ses dangers. Elle y va toute seule. Il sait qu'il ne doit pas l'accompagner. Et elle voit, en fait... que jamais, en fait, elle dit, voilà, il n'y avait pas eu un seul chevalier mort dans la forêt qui était vaste et étendue, dont la dépouille nue était transportée en ce lieu, mais jamais le chevalier n'avait pu être enterré sans avoir reçu le baptême et sans s'être repenti de ses péchés à l'heure de la mort. Donc il y a l'idée que c'est un cimetière de revenants pour ceux qui n'ont pas été baptisés. Ben, vous avez des âmes qui chaque nuit font des ravages. Quand elle fait le tour du cimetière, elle voit des chevaliers complètement noirs portant des lances brûlantes et enflammées qui se lancent les uns sur les autres. Un tel vacarme qu'on avait l'impression que la forêt était en train de s'écrouler. Plusieurs tenaient des épées rouges comme si elles étaient de feu. Donc une vision infernale des guerriers en flammes qui se massacrent la nuit pendant qu'elle essaye justement d'aller récupérer ce drap. Et il y avait une statue de Notre-Dame dedans qui lui donne un peu de feu, etc. Elle réussit, elle arrive et le drap est en lévitation. Donc quand elle arrive, le drap, whoops, s'envole, elle ne peut pas l'atteindre. Elle se met à implorer Dieu, ah mon Dieu, je n'ai jamais fait de mal à personne, etc. Et le drap redescend pour qu'elle puisse en prendre un bout, donc le bout du Saint-Suaire qui pourra lui apporter le pouvoir. Après sa très longue prière qui prend plusieurs pages, elle emporte le morceau que Dieu a bien voulu lui donner, mais quand elle sort, il y a une voix qui se fait entendre autour de minuit au-dessus de la chapelle et qui disait « Vous, les âmes dont les corps reposent dans ce cimetière, quel grand préjudice vous venez de subir récemment, et vous aussi toutes les autres, car le bon roi pêcheur est mort, lui qui faisait dire une messe pour vous chaque jour dans sa très sainte chapelle. Désormais, le roi du château mortel s'en est emparé de son château, le Graal n'y a plus fait d'apparition, et toutes les autres reliques ne sont plus visibles. On ignore d'ailleurs de ce que sont devenus les prêtres gardiens de la chapelle, ainsi que les 12 chevaliers de grand âge, et les demoiselles qui s'y trouvaient. » Donc, c'est assez frappant comme moment, parce que toute l'histoire monte la tension, Perceval a échoué à poser la question du Graal, Lancelot échoue, Gauvin échoue, et on s'attend à ce que Perceval répare son erreur à un moment. Ben non, le roi pêcheur est mort, et du coup, la réparation ne va pas prendre la forme qu'on attendait. Il va pas pouvoir poser la question et il va plus... Et je pense que ça rentre aussi dans ce système un peu de normalisation quelque part du roi pêcheur. comme on en avait déjà parlé, il est plus présenté comme une créature mystique un peu qui apparaît et disparaît. Il est vraiment un souverain fait de chair et de sang. Il a vraiment une existence politique qu'il n'a pas nécessairement dans le conte du Graal, et il a vraiment un rôle à jouer dans la géopolitique du royaume, clairement. Donc là, ça c'est intéressant de voir que bah, justement la conséquence logique de ça, c'est qu'il peut être trahi par son frère et que son château peut être pris. Et donc là, c'est un très saint homme, mais c'est un homme qui est très bien de chair et de sang. Bah là, son château est tombé. C'est quand même ça augmente encore la tension parce qu'on se demande mais comment est-ce qu'on va faire? Le grand méchant a gagné et on n'a même pas géré le premier grand méchant qui est le seigneur des marais. Donc Perceval arrive chez lui, il ouvre une tombe qui était destiné à être le seul à pouvoir l'ouvrir. C'est comme ça qu'on allait le reconnaître. Sa sœur apprend du coup que c'est lui, sa mère apprend que c'est lui, donc c'est les retrouvailles avec sa famille. Dans la tombe, il y a un corps, en fait. Il s'agit d'un des... il n'est pas nommé, je crois, mais un des types qui a décroché la dépouille de Jésus de la croix. Parce que dans sa tombe, il y a d'ailleurs la tenaille qui a servi à enlever les clous et les clous. Et donc, la tombe se décèle pour le montrer. Il y a une lettre qui explique qui il est pour qu'on ne soit pas confus. Et puis après, la tombe, apparemment, se referme aussi hermétiquement qu'avant. Une fois qu'il est chez lui, ben Perceval peut défendre sa terre, comme c'était demandé. Il se bat, il prend quelques chevaliers, il va se battre contre le seigneur des marais. Il arrive, je vous passe les détails, il arrive à le faire prisonnier. Le seigneur des marais, face à la mère de Perceval, implore sa pitié et dit « Voilà, je vous rendrai tous les châteaux que je vous ai pris, tout va bien. » Et Perceval dit « Et qui la dédommagera pour la honte que vous lui avez infligée et pour les chevaliers que vous avez tués sans jamais éprouver la moindre pitié. Je le jure, si jamais elle avait pitié de vous et vous en faisait grâce, plus une seule fois je ne viendrai à son aide en cas de danger. » Donc Perceval est impitoyable. Il dit que si sa mère lui pardonnait ou l'exemptait, il ne l'aiderait plus jamais, mais j'aurais pour vous la même pitié et la même compassion dont vous avez fait preuve à son égard et à l'égard de ma sœur. Dieu commanda dans l'Ancien Testament, aussi bien que dans le Nouveau, de punir les traîtres et les criminels, et c'est ce que je vais faire. Il y a bien une emphase que ce qu'il fait là va être brutal, mais c'est quelque chose qui n'est pas un de ces châtiments de l'Ancien Testament que Jésus est venu pour éliminer. Mmh. Il y a peut-être cette notion que... on est dans cette notion, finalement, de nouvelle chevalerie justifiée. De violence justifiée pour la chevalerie qui posait problème. Et on en avait un peu parlé à l'époque, hein, quand on parlait des prémices de cette chevalerie entre guillemets moderne pour l'époque, qui va permettre de justifier justement un rôle guerrier dans le respect de la religion. Là, on est clairement dans une justification du même style. Le fait est que même Jésus l'autorise. Et ce qu'il va faire, pourtant, Perceval est extrêmement brutal. C'est probablement la mise à mort. On avait trouvé déjà la mort de la femme de Marin le Jaloux assez brutale, mais là, arrive à un nouveau niveau. Quoi. La mort de la femme, c'est que c'est inhabituel de tuer quelqu'un qui ne fait pas partie d'un combat. Tandis que là, bah, c'est un roi ennemi à la Méléagant, un roi traître, c'est assez normal de le tuer. Mais là, le châtiment va être assez terrible. Alors, il prend 11 des chevaliers du roi du seigneur des marais, il leur tranche la tête, il verse leur sang dans une cuve, et ensuite, il pend le seigneur des marais par les pieds sans son armure, et il le noie, la tête en bas, dans le sang de ses chevaliers. Donc c'est assez. Que ce soit asphyxié, après, il verse le sang dans une rivière et elle devient entièrement rouge. Enfin, c'est très. Je veux dire, c'est gore. C'est extrêmement gore. C'est inutilement gore. Mais ça fait partie du style de ce roman, ce qui est la fin de la 8e branche avec Perceval qui a vengé sa mère. La 9e commence avec l'énigme de la bête glatissante. Donc il y a une bête blanche qui est entre le lièvre et entre la taille d'un lièvre, la taille d'un chien, qui a des chiots qui jappent dans son ventre, elle est blanche, et les chiots sortent de son ventre, elle va au pied d'une croix se mettre, les chiots sortent de son ventre en la déchirant. Et ils se mettent à la dévorer, puis les chiens s'enfuient du bois. Perceval est un peu choqué par ça, il comprend pas trop ce qui se passe, alors que la bête s'était soumise aux chiens. En fait, c'est une allégorie, puis ça représente Jésus, mais voilà. Une fois... Beaucoup de choses peuvent être dites de ce roman qui se termine comme ça. Une fois qu'ils eurent tué la bête, les chiens s'enfuient dans le bois. Il y a un chevalier et une demoiselle qui rassemblent une partie des restes et les mettent dans des coupes d'or des restes de la bête. Ils recueillent son sang répandu sur le sol et sa chair, donc on voit que c'est bien une allégorie christique. C'est assez facile, hein. Ils baisent l'endroit où a reposé la bête, ils font une oraison devant la croix, ils s'en vont dans la forêt. Et ensuite, il y a deux prêtres qui arrivent, un qui baise la croix, puis un qui s'est mis à la fouetter avec des grandes verges. Le personnage dit « Mais pourquoi vous fouettez la croix c'est pas normal. » Puis le prêtre lui dit « Je vais pas vous expliquer, on va pas vous expliquer. » Puis ils s'en vont. Et... Bon, Perceval se fera expliquer ça plus tard. Il y aura de nouveau une section de scène et fiance comme Gauvin l'avait eu avant, effectivement. Où quelqu'un lui explique. Il voit que le chevalier Coire devient le chevalier hardi, c'est-à-dire qu'il trouve le chevalier Coire, puis il dit « Mais il faut pas être Coire, vous fuyez les combats. Bah, mon petit bonhomme, je vais vous dresser, moi. » Puis alors il le fait marcher devant lui et il le force à combattre. Et il se retrouve dans un combat où il se fait taper dessus et il riposte pas parce qu'il a trop peur, mais au bout d'un moment, il pète un plomb et puis il bat l'autre et il devient le chevalier hardi. Perceval arrive à la cour, une demoiselle à la litière vient, je crois, annoncer une autre aventure. Celle du château tournoyant. C'est du château tournoyant. Bon, on va passer en vite. C'est un château qui tournoie, mais il frappe. Enfin, oui, c'est parce que, en fait, il y a des gens qui avaient annoncé régulièrement à Arthur que certains de ses chevaliers, on l'a pas mentionné, mais certains de ses chevaliers se faisaient brûler. Donc, t'as des gens qui apportaient des cadavres de chevaliers à moitié brûlés. Ils disaient, c'est le chevalier au dragon. Il a un dragon sur son bouclier qui crache du feu à volonté. Une tête de dragon, un peu. Une tête de dragon. Donc, est-ce qu'elle est peinte sur son bouclier ou bien est-ce qu'elle est sculptée? Bah, visiblement, elle semble être assez sculptée parce qu'on verra après. Alors, on peut le résumer. Hein, Perles Vos va tuer le chevalier du dragon après un combat assez compliqué et au moment où il perd, en fait, la tête du dragon va manger le chevalier et va le calciner. En fait. Va le brûler. Va le calciner et le manger. Ouais. Donc, on pourrait penser qu'elle sort du bouclier. Ensuite, Perles Vos arrive au château du taureau de cuivre, qui est en fait une idole. Une idole très ancien testament, donc il y a un démon dedans qui répond à des questions. Quand t'as vraiment cette, une espèce de balle, enfin, un veau d'or, un taureau de cuivre qui répond à des questions et qui possède les gens. Et il y a deux automates à l'entrée du château, je crois, qui massacrent les gens qui passent. Donc on peut pas, ils ont des masses et des espèces de statues en cuivre qui frappent les gens qui passent. Perles Vos prend son épée, commence à tailler la foule où il y a 1500 personnes. Et il leur fait, allez hop hop hop, on marche. Et il les fait passer à travers entre ces deux statues. Et il y en a, sur les 1500, il n'y en a que 13 qui ont rescap parce qu'ils sont convertis à la vraie foi. Ils ont la vraie foi. Donc tous les autres sont massacrés. C'est un des premiers massacres. Là, dans la branche 9, on commence vraiment à avoir cette volonté d'évangélisation. On dit, ok, c'est des païens et il faut les massacrer. Et ça, il va arriver finalement, Perles Vos, chez son oncle, donc le Pélès, hein, qui va lui expliquer donc, la sénéfiance de ses aventures, de la bête glatissante surtout. Mm-hmm. Et c'est là qu'il nous explique alors pourquoi le prêtre fouettait la croix. Pourquoi parce que c'était sympa. Enfin, la croix, c'est bien, mais c'est aussi pas bien parce que ça a tué Jésus. Putain, ah, bon, ok, alors. Voilà, et il va donc amener Perles Vos à reconquérir le château du Graal. Et c'est en fait un peu là que se termine le récit de Perles Vos en lui-même. D'une certaine façon, il va y avoir un passage encore de conquête, mais oui, c'est finalement la fin de la première partie. C'est la fin de la quête du Graal. C'est la fin de la quête du Graal, puisque le... C'est ça qui répare. Perles Vos, ouais. Avec l'aide de lions magiques et d'une foule d'ermites qui mène un combat. Il y a plusieurs enceintes qui mènent au château. Qui ont été ajoutées. Qui ont été ajoutées pour défendre le château du Graal. Et il les passe les unes après les autres. Et il y a une espèce de lion avec lequel il a une aventure télépathique. Je sais que ce roman est bizarre, mais il voit le lion. Et il y a le narrateur qui nous dit Perceval se rendait compte que le lion pensait que les guerriers étaient si... Il a une espèce d'aventure télépathique où il parle avec ce lion blanc qui l'aide à combattre les périls qu'il y a jusqu'au... Parce qu'il y a un lion rouge aussi qui aide c'est très compliqué. Et puis il mène une armée d'ermites avec lui en fait. Il n'a pas d'armée, il a juste des ermites qui viennent. Et puis à chaque fois qu'il passe un pont, il y a 9 ponts en fait. Ouais. Et chaque fois qu'il arrive plus loin, les autres en fait fuient face à lui parce qu'il fait. Parce qu'il est tellement incroyable avec ses ermites et ses lions. Bah, c'est la volonté divine. Je veux dire, on n'a pas dit, mais le chevalier dragon, les flammes n'arrivaient pas à toucher Perceval parce qu'il avait un bouclier qui était saint et qui était le bouclier de Joseph. Oui, et c'est pour ça qu'il arrivait à dévier. Littéralement, il y a un champ de force qui protège son bouclier des flammes. Et c'est sa sainteté, en fait, qui lui permet vraiment de l'emporter sur ses mécréants. Et du coup, il est tellement justifié que quand il arrive, en fait, au pied des remparts, le roi du château mortel, donc son oncle, l'ennemi, se met l'épée dans le ventre et saute des remparts dans le fossé en bas. Mm-hmm. Et donc, Perceval... Il se suicide. Reconquiert le château du Graal. Il y a un paragraphe sur la malfaisance du roi, parce qu'il c'était un lignage si bon, ils étaient tous si bien, mais lui, c'était vraiment le fruit pourri, etc. Et il dit, ah, c'est comme Cain et Abel, il y a un gentil, et puis parfois, il y a des méchants qui sont lignés des gentils. Il fait un petit commentaire là-dessus. Pour en fait un peu dédouaner un peu Perceval et Perles Vos et toute sa famille noble des exactions, finalement, de leur oncle. Et donc le Saint Graal et les autres reliques réapparaissent au château, donc il y a le Saint Graal mais aussi un morceau de la vraie croix, l'épée qui a été apportée par Gauvin, etc. Puis aussi, on l'a pas dit, mais le cercle d'or et le taureau de cuivre, en fait, la dame au cercle d'or promettait, si Perceval réussissait à vaincre le chevalier dragon, elle se convertissait et tout son peuple avec elle, donc il y avait aussi cette volonté de conversion. Ce qui nous amène à la deuxième scène de la cour plénière où il y a tout le monde qui est à la cour du roi Arthur, et qui relance le récit, cette fois-ci, de la mort de Lot. Il y a deux soleils qui apparaissent à la cour, parce que, bah, en fait, c'est un signe que Dieu est content que le château du Graal ait été reconquis. On voit deux soleils. Encore un parallèle avec Tatooine et Star Wars, qui prouve que Luke est en réalité Perceval. Que est dénoncé comme meurtrier du fils d'Arthur. C'est un peu ironique, parce que en fait, la boîte arrive, et elle dit, il y a la tête d'un chevalier qui a été tué dans cette boîte, et seule la personne qui l'a tué pourra ouvrir la boîte. Et il y a tout le monde qui dit, je sais pas si on va réussir, il faut qu'on essaye. Et là, l'idée, c'est que les chevaliers doivent admettre. Déjà, si ça se trouve, ils ont tué quelqu'un qui méritait d'être tué. Ouais. Et puis, même s'ils l'ont pas fait, bah, ils doivent finalement admettre leur truc, parce que c'est quand même, voilà, ils sont pas non plus là pour être complètement, Et quand Arthur essaye d'ouvrir le coffret, le coffret se met à ruisseler comme s'il avait été mouillé. Il demande à Gauvin de se prêter à l'épreuve, à Lancelot, etc. Mais personne n'y arrive. Que est pas dans la salle, il était occupé à faire le repas. Et du coup, il arrive un peu ironiquement dans la salle et il dit « Ah, vous êtes tous en train d'essayer la boîte, vous auriez dû penser à moi car je suis un bon chevalier. » Et puis et là, il y a Arthur qui dit, je pense, une des phrases les plus importantes du roman. Que seriez-vous si heureux de pouvoir ouvrir le coffret, d'avoir tué le chevalier dont il renferme la tête? Je vous le jure, moi qui suis roi, je n'aurais pas voulu avoir ouvrir le coffre, car il n'est si pauvre chevalier qu'il n'ait au moins un parent ou un ami, et on ne peut pas dire qu'il soit aimé de tous celui qui est haï d'une seule personne. Il y a une idée qui est, ok, on a vu des milliers de pages de massacres, mais on voit bien que quand vous tuez quelqu'un, il y a sa famille qui en souffre, il y a des gens qui en souffrent. Il y a quand même cette idée, ouais, il dit « Ah, moi, je suis un bon chevalier, j'ai tué plein de gens dans ma vie. » Puis Arthur lui dit « Ouais, c'est quand même un peu insensible, parce qu'ils avaient une famille et des gens qui tenaient à eux, et il faut se demander si ce meurtre était légitime. » Et que est tellement dans cette bravade, en fait, parce qu'il a l'air d'avoir cette espèce de complexe d'infériorité, que lui, il le voit pas. Et il révèle presque par avance sa culpabilité avant d'essayer, quoi. Et il dit « Sur ma tête, Seigneur, je souhaiterais que les têtes de tous les chevaliers que j'ai tués, sauf d'un seul, fussent dans cette salle. » Bon, sauf d'un seul, c'est bien sûr le Holt, parce que c'était le meurtre le plus indigne. « Et ainsi, vous serez obligé de croire ce qui vous empêche d'ajouter foi à des jaloux qui pensent valoir mieux que moi. » Parce que l'idée, ce serait que s'il a pu tuer quelqu'un, s'il a pu le faire au service de son roi, c'est aussi parce qu'il est, finalement, selon lui, un bon chevalier, qui mérite non seulement ça, mais qui mérite aussi pour son courage, le fait d'avoir accepté d'ouvrir le coffre. Il n'est pas seulement censé être ce sénéchal un peu, coincé un peu en dehors du monde chevaleresque. C'est vraiment ça qui est aussi suggéré par le fait qu'il ait été trop occupé par les préparatifs du banquet pour venir tenter sa chance. Mm-hmm. Et donc, le truc, c'est que là, en temps normal, le reste nous dit, quand il ouvre et qu'on voit que c'est là dedans, déjà la reine tombe dans pamoison. Et en tenant la tête décapitée de son fils, hein, c'est très très charmant aussi comme moment. Et le récit nous dit bien que aurait été saisi et tué sur le champ si la demoiselle qui avait fait ouvrir la boîte n'avait pas auparavant promis à Arthur d'accepter une trêve contre le meurtrier de la personne qui avait ouvert le coffre pendant 40 jours, le temps d'aller faire un pèlerinage au château du Graal. Et du coup, que peut s'esquiver apparemment, alors que bon, on imagine bien que ça aurait été un peu difficile dans une cour plénière après avoir tué le fils du roi, qui est reconnu parce qu'il a une cicatrice. Oui, parce qu'il l'avait pas vu depuis longtemps, semblerait. Hein. Ils le reconnaissent parce qu'il y a une cicatrice au visage qu'il s'était fait enfant. Arthur dit même que quand il a entendu que le chevalier au cercle d'or avait tué le chevalier au dragon, il pensait que c'était son fils, parce qu'il dit c'est le genre de truc qu'il aurait fait. En fait, c'était Perlesvos, mais comme ils avaient pas de nouvelles de lui, ils pensaient que c'était peut-être lui. Gauvin et Lancelot disent au roi de partir en pèlerinage au château du Graal. Ils rencontrent la demoiselle. Il se passe plein de choses, en fait. D'abord, il y a Arthur qui apprend le secret de sa naissance, sa naissance indigne par Uther. En fait, il y a un jugement de valeur très fort sur le fait que qu'il y avait un péché derrière la naissance d'Arthur, donc le fait qu'Uther se soit servi de la magie de Merlin pour séduire Ygraine sans qu'elle le sache, en fait. Et ils découvrent un château où on leur raconte ça. Ils vont aussi découvrir les enfances, ce qu'on appelle les enfances de Gauvin, où on apprend que Gauvin avait... C'est un peu plus tard, hein, c'est un peu plus tard. Dans la branche 10, mais c'est la même idée, en fait. On apprend le passé un peu honteux, peut-être, de l'origine de ces personnages. Et là, c'est intéressant parce que dans Gauvin, il est bien le fils donc de la sœur du roi Arthur et de Lot, sauf qu'il a été fils illégitime puisqu'il est né avant le mariage de ses parents, et du coup, sa mère a essayé de le faire tuer à la combo de Blanche-Neige et de Moïse. et du coup, il se retrouve effectivement récupéré par le pape, quand il est élevé par le pape. À Rome. Et après, une fois que ses parents sont mariés, il peut être accepté légitimement. C'est quand même un peu bizarre. Il y a plusieurs romans qui font écho de ce thème des enfances de Gauvin. Il y a un fragment en octosyllabe. Il y a aussi des Hortus Waluani, qui est un texte en prose latine, qui est un peu plus rare. Mais bon, je ne sais pas si on en parlera, mais c'est un thème qui revient aussi. Bon, je vous passe... La liste de leurs longues aventures. Et ben, Lancelot repasse à la Gast-Cité où il devait se faire décapiter, puis comme on l'a dit, il se fait sauver parce que des demoiselles qu'il avait sauvées des brigands, qu'il avait donné le trésor des brigands, enfin je vous passe un peu, viennent, disent « Ah, si vous voulez mon amour au bourreau, vous devez le laisser aller. » Et aussi le bourreau a une faux, alors que l'avant il avait une hache, mais apparemment c'est peut-être une image plus marquante d'avoir un faucheur, même on n'a pas encore l'image du faucheur de la mort si répandue que nous, mais peut-être qu'une faux parle un peu plus. Il faut dire aussi que là, pendant qu'il est absent, Arthur et Gauvin se retrouvent dans une aventure avec les dames de la tente. Ils doivent participer à un tournoi, sauf que le deuxième jour du tournoi, Gauvin s'en sort très très mal. Elle lui demande de s'en sortir mal. Parce qu'elle lui en demandait. Et du coup, c'est le motif typique de la dame qui demanda de jouer aux noses. Voilà. Et le lendemain, un peu par honte, il refuse de participer, mais il participe anonymement, mais là, il va très bien. Ouais. Et du coup, les demoiselles d'attente, en fait, utilisent ça un peu pour faire, semble-t-il, pour dire du mal, alors que c'est elles qui ont demandé, et c'est ce qu'il se dit sur Gauvin, en fait, qu'il est un très mauvais chevalier, alors qu'Arthur, lui, est très bon. Ce qui va déclencher un peu des problèmes, parce que Mélio cherche Gauvin, et puis on lui dit, ah ouais, mais Gauvin est devenu une grosse poule mouillée qui arrive plus à combattre, et puis, ah, c'est dommage, j'ai besoin de son aide. Mais après le tournoi, Arthur réussit à remporter le tournoi et gagne une couronne d'or. Et on lui fait, ah au fait, cette couronne, c'est la couronne de la reine Guenièvre qui est morte pendant que vous étiez. Ils ont été au château du Graal aussi, ils ont pu voir les reliques et tout. Mais de la reine Guenièvre qui est morte, Lancelot est dévasté. Et au fait, Brillant des Îles est en train de dévaster votre royaume. Et peut-être qu'il faudrait s'en occuper. Enfin, ils n'ont pas encore atteint le Graal. Hein. Ils n'ont même pas encore atteint le Graal. Là. Ah, ils n'ont pas encore. Ah, bon, non, parce que entre temps que c'est allié avec effectivement. Brillant des Îles, la reine est morte de chagrin à cause de la mort de l'autre. Oui, et puis donc Lancelot renonce à aller au château du Graal, et puis c'est Gauvin et Arthur qui poursuivent tout seuls. Peut-être aussi un peu bien pratique, parce que si Lancelot était resté avec eux, est-ce qu'ils auraient pu voir le Graal ? Mais justement, donc Lancelot est triste, et il part, donc là on arrive à la branche 10. Branche 10, c'est là que Arthur et Gauvin voient le cortège du Graal avec Perceval. On parle justement de ses calices et de ses cloches, donc on s'inspire du Graal pour créer les calices en Grande-Bretagne, et puis il entend des cloches et il se dit « Ah, c'est un joli son », donc il demande à ce que des cloches soient fondues. Et il y a une mauvaise nouvelle qui va pas payer avant un moment, donc ça c'est de nouveau un de ces déclencheurs qui monte l'attention. Aristor, un grand méchant, a kidnappé la sœur de Perceval. Dandran, donc. Dandran, c'est Dandran là-dedans. Hein. Qui s'appelle Dandran, et il va l'épouser et il lui coupera la tête au bout d'un an parce qu'il fait toujours ça avec ses femmes. Donc c'est basiquement on essaie de relancer Perceval dans l'aventure, mais on va pas faire ça avant la branche suivante en fait. Tout le reste de la branche, c'est les aventures du roi et de Gauvin, où ils arrivent justement à une maison où on apprend les enfances de Gauvin, où il a été élevé auprès du pape. Donc c'est vraiment l'écho hein, de cette renaissance d'Arthur en fait. C'est les deux. En fait, il y a cette espèce d'idée, bon, on retourne aux origines, ils voient leurs origines et puis ils en ont un peu honte les deux, mais Arthur dit à Gauvin, bah, vous n'avez pas à avoir honte de vos origines parce que vous êtes un bon chevalier, etc. Vous êtes né et c'est l'essentiel. Voilà, retour de Lancelot à quelques nouvelles aventures au château des Griffons, c'est-à-dire qu'il y a une épreuve pour épouser la dame, la fille du seigneur, et il l'a réussi en arrachant un pieu, mais sauf qu'il s'avère que « Ah, mais c'est votre ennemi mortel !» Et puis il dit « Ah, bah, dans ce cas, vous pouvez pas marier ma fille. » Mais la fille est amoureuse de lui, elle aide donc à s'échapper par une espèce de passage secret où il y a des griffons, donc des espèces de serpents maléfiques. Ça m'évoque un peu la fin de du Lancelot Graal, en fait, ouais. les moments où il est chez Hélène. Oui, il doit partir pour aller au tournoi. Donc là, encore une fois, c'est un amour un peu pas réciproque de la part de Lancelot, parce que même quand Guenièvre est morte, bah, il lui reste fidèle. La cour est de plus en plus menacée par Brillant, par Madaglan, qui est un autre type qui est en train de ravager l'Écosse, apparemment, qui vient de loin, on ne sait pas trop d'où, du royaume d'Oriande. Donc le royaume est ravagé de partout. Lancelot et Mélian arrivent au Gast Manoir. Bon, je vous passe un peu. Non, ils rencontrent un nouveau méchant qui s'appelle Mélian du Gast Manoir. Hein. Mmh. C'est pas le même que Mélio qu'on a vu avant. Oui, c'est hein, ça. Non, c'est pas le même. Il y a beaucoup de noms qui se ressemblent beaucoup. Mélio est donc le fils de Marangelo, hein, pour rappel, celui qui avait le lion qui s'est fait tuer par Clamados. Et il y a ce Mélian qui est un allié de Brillant des Îles, en fait. Oui. Et bon, ensuite, Arthur et Gauvin sont assiégés par Anurel, le bâtard, et ils sont délivrés par Mélio, qui va avoir une blessure, Anurel le bâtard va mourir de la main de Mélio, mais Mélio aura été blessé par ses armes, et donc il aura besoin de ses armes et de son linceul pour se guérir. C'est une thématique qui a eu beaucoup, en fait. Vous avez besoin du sang de quelqu'un, c'est ce qu'on avait vu dans la toute première branche avec Arthur. Vous avez besoin du sang de votre ennemi pour guérir de la blessure qu'il vous a infligée. Donc Lancelot devient un chef de guerre d'Arthur, il se bat contre Brillant des Îles, ils arrivent à le faire capturer et Arthur se dit « Bon, j'ai déjà eu un sénéchal traître, alors autant... » En avoir deux. Il dit « Brillant, maintenant vous êtes mon sénéchal puisque je vous ai rallié à moi et puis vous n'allez certainement pas me trahir. Lancelot accomplit des exploits militaires en Écosse, il y a Clodas, donc ça c'est un thème aussi qu'on trouve dans le Lancelot Graal, mais est-ce que c'est la première fois qu'il apparaît là ou bien est-ce qu'ils le reprennent du Lancelot Graal, on peut pas vraiment beaucoup le dire. Beaucoup pensent que c'est ce qu'on retrouve régulièrement quand vous le disiez sur le Père Lesvos, sur l'Olive du Graal, c'est que c'est la première apparition de Mélian, de la bête glatissante et de Clodas justement, et c'est là que vient le doute en fait, est-ce que c'est vraiment les premières apparitions ou est-ce que c'est postérieure et inspirée par le Lancelot Graal. Bon, pour nous, ça ne change pas grand-chose, parce qu'en gros, Clodas dit, voilà, j'ai toujours été ennemi de la famille de Lancelot, et c'est mon ennemi mortel, et si vous le soutenez, bah, vous serez mon ennemi mortel. Tout le monde commence à débattre, parce que tout le monde commence à dire, mais Lancelot n'a rien fait, il vous a servi loyalement, et puis il y a juste Brillant, ce qui est un peu culotté de la part du mec qui a déclenché la guerre. Enfin, il y a quelqu'un qui vient demander... En fait, Mélian vient demander réparation pour je crois, le fils de Mélian, enfin, un parent de Mélian vient demander réparation à ce que Lancelot a fait. Ce qui était un acte, c'était pendant une bataille rangée, donc c'est un peu, ça paraît un peu grossier. Et puis Brian dit, ah oui, mais quand même, il faudrait sacrifier Lancelot parce qu'il a fait un truc pareil. Putain, mais c'est toi qui étais responsable de cette guerre avant que tu sois. C'est vraiment. Oui, le rôle de Brian est particulièrement savoureux, là. Non, mais on comprend que Lancelot est injustement puni, d'ailleurs, ça va revenir. Il y a une diversion parce que, voilà, il y a un carreau d'arbalète en or couvert de joyaux qui arrive dans la salle et le seul qui peut l'enlever, c'est Lancelot. Et la demoiselle dit, ouais, j'ai besoin de vous, je ne descendrai pas de ma mule avant que vous ayez accepté de faire ça pour moi. Et Lancelot est obligé de le faire, il doit aller chercher justement l'épée et le linceul de Anurel Bâtard pour guérir Mélio, mais il ne le sait pas. Il doit aussi retourner au château, il y a un peu de backtracking, il doit retourner au château des Griffons pour la tête de serpent qu'il avait coupée parce qu'il en a besoin. Et en fait, quand il arrive là-bas, il apprend que c'était faux et que c'est la dame du château qui était amoureuse de lui qui a raconté ça pour qu'il revienne au château. Et donc, il vient s'endormir à côté du château. Elle l'embrasse pendant son sommeil et puis il se réveille. Oh, puis il la rejette très poliment. Il reste assez poli. Mais elle est désespérée parce qu'elle voudrait son amour. Et ensuite, après de nouveaux exploits guerriers, toujours dans les guerres contre les ennemis d'Arthur, où les gens voudraient que Lancelot soit le roi, en fait, parce qu'ils disent « Ah, il faudrait qu'il soit un roi avec l'accord d'Arthur, parce qu'il se débrouille bien et que Brian des Îles avait échoué », Brian convainc Arthur que Lancelot va le trahir et qu'il va se faire élire roi à sa place, ce qui n'est pas complètement faux, parce qu'il reste complètement loyal, mais les gens le préfèrent véritablement à Brian, qui est apparemment incompétent et qui ne fait pas beaucoup de bonne volonté. Lancelot se fait emprisonner par Arthur, mais il se défend quand même, parce qu'en gros, quelqu'un lui dit « Ouais, il paraît que vous allez vous faire arrêter ». Il vient en armure dans la salle, et du coup, Brian fait « Ah, vous voyez, il est tout armé, et c'est bien la preuve qu'il voulait vous assassiner ». Et Lancelot dit « Ah non, mais on m'a dit qu'on allait m'arrêter, donc je me suis dit que... » Autant prévenir de ça. Autant prévenir, parce que j'ai vu tous ces chevaliers armés, donc je me suis dit « Si vous aviez un problème... » Et Lancelot est emprisonné, mais il bute, je crois qu'il blesse gravement une vingtaine de chevaliers, il en tue 7 pendant qu'il est emprisonné. Ça aussi, c'est peut-être un écho, effectivement, de l'emprisonnement de Lancelot à la fin de Lancelot Graal, justement, et du coup de Mallory, c'est un motif assez classique, finalement. Donc Lancelot est emprisonné. C'est pas pour les mêmes raisons qu'ici. Et Père Lesvos quitte le château du Graal, parce qu'on avait dit Aristor a kidnappé sa sœur. Ce qui démarre la dernière branche, comme le texte l'annonce, là, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la dernière branche du Graal. On va aller rapidement. Père Lesvos combat Aristor, mais en fait, il découvre qu'il y a déjà quelqu'un qui est en train de le combattre, et c'est le chevalier hardi, qu'il avait changé de chevalier quoi en chevalier hardi, et il dit, oh, il tient vachement bien la route, et il se défend bien, ben, il est quand même gravement blessé, mais il arrive à battre Aristor, à lui enlever sa ventaille, à lui trancher la tête. Donc, de nouveau, cette espèce de mort délibérée, d'exécution, qui était réservée à des personnages comme Méléagant aussi, où on enlève son armure et on lui tranche la tête, parce que même s'il demande pitié, il dit, non, mais je vais pas vous la donner. Il arrive à amener le chevalier hardi, l'ancien chevalier Quar, dans un ermitage pour qu'il se confesse, parce qu'en fait il est en train de mourir, et malheureusement ben, il va y passer, mais Perceval dit c'est mieux d'avoir été de mourir dans la gloire que de vivre dans la honte. Bon, voilà, merci Perceval. Je passe sur le chevalier roux Lion, son retour à Camelot, une jeune fille maltraitée, puis un méchant qui se fait jeter dans une fosse au serpent alors que c'est le sort qui... Enfin, je passe un peu là-dessus. Il trouve la reine Gendrée, qui est une reine païenne, mais qui a eu des rêves qui semblaient augurer sa conversion au christianisme. Et il arrive il y a toujours cette ferveur de la conversion. Une petite aventure de Gauvin, Mélio et Lancelot. Gauvin est libéré par Mélio. Puis il y a le chevalier de la galère, qui est apparemment un autre de ces chevaliers iniques, qui se fait aussi attaquer. Perceval, en tant que bon chevalier, sur une nef, il se balade en bateau. Hein, c'est un peu le... C'est le même motif qu'avant, quand il était venu chercher son bouclier, justement. Et Lancelot est libéré parce que des gens disent « Ah, mais Arthur se demande pourquoi sa cour a de nouveau décliné. » Puis on lui dit « Bah, peut-être que vous avez emprisonné votre meilleur chevalier, le plus loyal, Lancelot. » Et il décide de le libérer. Lancelot dit « De toute façon, je vous serai loyal, même si vous m'avez emprisonné sans vraiment de raison. » Ce qui amène aux aventures finales de Père Lesvos. Parce qu'il faut préciser que le déclin du royaume et la menace posée par Clodas ne vont pas être résolus, hein. Comme on l'a dit avant, ce sera vraiment la fin du récit, va se concentrer de nouveau sur Père Lesvos, ce qui est assez inattendu, parce qu'on se dirait que le récit de Père Lesvos aurait dû être terminé, et ce qui pourrait penser qu'effectivement il y a une espèce de petit côté inachevé là-dedans, comme dans Perceval. Ouais. Ou peut-être ça ne l'intéresse pas, c'est-à-dire, voilà, c'est la chevalerie terrestre, il y a des gens qui s'empêtrent dans des batailles, je veux dire, Guenièvre est morte, Arthur est mort, peut-être que c'est une autre idée du déclin, c'est pas le déclin, tout le monde est mort, mais c'est le déclin, ben... Les reliques ont été remisées dans un monde qui est hors de portée d'Arthur. Arthur et Lancelot sont plus assez sains pour être au devant de l'histoire. Et finalement, c'est ça. En fait, Perceval, il arrive sur une île où il y a les tombeaux de ses 12, de sa fratrie paternelle, les 12. Ses oncles et son père. Et il y a des ermites qui sont dessus et qui donnent des messes. Puis ils révèlent son identité. Ils lui disent bon, vous devez échanger votre bouclier avec celui-ci. et vous devez nous promettre de revenir. Parce que vous devez revenir quand vous verrez la nef à la croix vermeille. Et c'est ce qui se passe à la fin, en fait. Après avoir été... D'abord, il trouve un château en flammes qui est en fait là où José a tué sa mère, et il dit le château sera en flammes jusqu'à la fin des temps, et c'est de là que partira le feu qui détruira le monde. Donc on a cette idée de château, c'est ce feu va jamais s'éteindre, et c'est là, celui-là qui détruira le monde. Et il retrouve le couple mal marié qui avait été marié de force par Lancelot, et Gauvin les avait déjà vus, on l'a pas mentionné, mais Gauvin était passé chez eux, et il voyait qu'il maltraitait, il traitait très mal sa femme, il la faisait manger à la table des écuyers, donc il l'a, et puis il disait, ah, je la traiterai comme ça toute ma vie parce que je n'ai rien à foutre. Puis Lancelot dit, je crois que Lancelot même le voit, il dit, oh, vous savez, elle est à vous, faites ce que vous voulez maintenant. Merci Lancelot. Et Perceval réussit à les réconcilier parce qu'en gros, il arrive à obtenir une coupe qui permet de, il la donne, et puis ça, après, elle est bien traitée par son mari. Bon. Ensuite, il tue le noir ermite, qui était un peu une représentation du mal. C'est-à-dire qu'il arrive chez lui, il le bat plus ou moins, puis ses chevaliers se retournent contre lui, et le jettent dans une fosse, et dans une abîme où il y a des cris, donc l'enfer. Retour au château du Graal, et finalement, il voit arriver, après cette il vit dans la sainteté avec sa, je crois, sa sœur et sa mère, donc tout le monde est pur, et, parce qu'il a sauvé sa sœur, logiquement. Jusqu'à ce que la nef arrive avec cette croix vermeille, et puis il monte dedans, et puis il est emporté au loin, et personne ne sait ce qu'il est devenu de lui. Les reliques ont disparu du château du Graal, mais on nous dit qu'il y a deux chevaliers gallois qui sont allés dans le château, et qui sont devenus des ermites parfaitement saints, mais que personne ne comprenait trop ce qu'ils nous racontaient, mais quand on leur demandait, ils disaient « Ah, vous avez qu'à aller dans ce château et vous verrez », et on ne dit pas trop ce qu'ils ont vu, mais apparemment, ils ont été transportés par le mystère du Graal. Et c'est sur ce départ de Père les Ours, alors que Arthur et Lancelot sont encore en train de se battre pour leur royaume, ça n'a pas été résolu, c'est sur ce départ de Père les Ours que l'histoire se finit. Donc le héros emporté par un bateau mystérieux vers on ne sait où, c'est plus Arthur là, c'est Perceval. Et c'est une fin qui est assez atypique, même si effectivement c'est assez inachevé. C'est intéressant parce que ça a vraiment une dimension tout à fait différente effectivement de ce qui a survécu dans la matière de Bretagne. On n'a plus du tout l'aspect purement temporel des aventures d'Arthur qui vont ensuite être succédées par l'invasion anglaise à proprement parler, la chute des royaumes celtes, et la fin finalement de cet empire, ce second empire romain qu'on avait par exemple chez qui va continuer d'ailleurs chez Mallory, hein, qu'on avait chez dans le Lancelot Graal, qu'on a dans le dans les Brutes aussi, et qu'on avait peut-être un peu en suggéré chez Chrétien, pour qui Arthur est un personnage peut-être un peu plus apprécié et appréciable que chez l'auteur du Père Lesvos. Bon, je pense qu'on a des parallèles aussi, c'est-à-dire qu'on a aussi d'une certaine manière la quête du Graal, et puis une fois qu'elle s'est finie, ben, on a des guerres qui menacent, qui mettent le royaume en péril. C'est pas exactement la même chose, mais on a un peu le même changement de structure, où une fois que la quête du Graal est achevée, enfin là par la conquête du château du Graal, et pas par la réponse à la question ou quoi, ben du coup Arthur revient au premier plan, puis on a des guerres contre Arthur, même si on voit pas son déclin final. Le déclin était finalement spirituel et moral. C'est plus un déclin spirituel qu'un déclin politique, je pense. Après, c'est vrai que ça a aussi une dimension qui est peut-être plus cohérente avec celle de Chrétien, qui ne s'intéresse pas trop, justement, d'habitude à ces raisons, comme on l'a dit, hein, géopolitiques, et qui, là, pour le coup, n'aurait pas terminé une aventure avec de nouveau des guerres où le héros principal n'apparaîtrait pas. C'est pas comme le Perceval de Robert de Boron qui se termine avec cette mort Arthur, enfin, le Perceval de Robert de Boron, disons, attribué à Robert de Boron, dont vous avez parlé l'année dernière. Le Boron adjacent. Le Boron adjacent, exactement. Dans lequel, là, pour le coup, une fois Perceval parti, ben, le récit se recentre sur Arthur et la chute de son royaume. Donc c'est une histoire qui est assez différente. Je pense que cet épisode, on voulait l'appeler Per Lesvos, Perceval Strikes Again, parce que ça, je trouve qu'il y a déjà l'idée que Perceval revient, parce qu'il a été remisé pendant la première moitié du roman. Puis aussi, c'est vrai que ça me fait un peu penser justement à Batman Strikes Again, la violence un peu bête et proto-fasciste de Frank Miller. Il y a un peu de ça, il y a le fanatisme brutal, L'antisémitisme, on n'en a pas beaucoup parlé, mais il y en a mal. On en a un peu, vous avez peut-être un peu remarqué, mais cette opposition entre la nouvelle loi et l'ancienne loi, où on massacre des païens et ou des juifs indifféremment, c'est quand même quelque chose qui revient. Il y a un évangélisme forcené où on va vraiment trucider ceux qui n'acceptent pas la nouvelle loi. Un focus sur les reliques, un focus sur la sainteté, la chasteté. Et du coup, je pense qu'on peut comprendre pourquoi certains pensent que l'auteur est un peu névrosé, parce que bah, c'est vrai que quand on voit l'intersection de tous ces thèmes, on se dit, bon, peut-être que c'est pas exactement le même ton que la plupart des... Si vous comparez avec les continuations, par exemple, vous n'êtes pas dans le même univers. Les continuations ont un côté beaucoup plus cartoonesque à côté, en fait. Mais c'est ça qui le rend très intéressant. Il a été édité, je crois, en 1528, une édition imprimée, donc il était quand même lu relativement tard. Il y a eu une traduction au gallois qui a aussi existé. Donc c'est pas une, il aura jamais, il y a rien qui se compare au succès de la Vulgate en termes de diffusion, mais ça a quand même été un livre assez lu. Il y a eu quelques interpolations justement des manuscrits de la Vulgate où on mettait un bout du Père Lesvos parce qu'on trouvait ça intéressant et puis qu'on voulait le faire concorder. Le motif de la décapitation est aussi un des plus proches du jeu de la décapitation qu'on retrouve dans le Sir Gawain le Chevalier Vert plus tard. Mm-hmm. Ce qui laisse peut-être penser qu'il a soit une source similaire, soit qu'il y a un motif ici. Ouais, vous aurez vu, on avait dit que le Perceval pouvait peut-être s'interpréter comme une histoire de vengeance, et c'est vrai que là, on a une vendetta puissance 10 000, et c'est vrai qu'on voit certaines dimensions du conte du Graal qui se sont peut-être développées, qui ont peut-être été plus développées que n'importe où ailleurs, en fait. C'est vrai que c'est un conte du Graal au carré. Il a pris tout ce qu'il y avait peut-être de en germe dans le conte du Graal, et il l'a développé puissance 1000. Notamment, comme je disais, cet épisode de l'orgueilleux de la lande, je pense que c'est un peu le prototype ultime de ce que l'auteur a aimé dans le conte du Graal. Il se dit « Ah, je vais faire la même chose », ou « Des gens font des péchés », et puis après, ils en voient les conséquences plus tard. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a peut-être justement cet aspect, soit qu'il a succédé à une version du conte du Graal un peu différente de celle qu'on connaît, soit antérieure, soit postérieure à celle de Chrétien, mais... Ou après, c'est l'auteur qui a choisi de... Ou alors peut-être exactement, peut-être que c'est conçu dès le départ comme cette espèce d'univers alternatif, cette espèce de semi-suite qui doit se comprendre dans les grandes lignes comme ayant interprété la suite. Après tout, le récit est assez autonome, on peut le comprendre sans trop de problèmes, sans avoir lu le Perceval, le conte du Graal. Je pense que c'est intéressant quand même, mais c'est vrai. C'est intéressant, mais je suis pas sûr que. C'est pas forcément nécessaire. Il y a aucune référence directe. On sait juste qu'il y a eu cette rencontre avec le conte du Graal et on. En fait, je pense que c'est un peu traître parce qu'ils font beaucoup de renvois à des épisodes passés et il y a des moments où ils font des renvois au conte du Graal. Et donc, si vous l'avez pas lu et qu'ils y renvoient, c'est vous vrai. Allez vous demander ah, mais j'ai pas vu ça. Mais parfois, on serait prêt à penser que quelque chose auquel ils renvoient s'est passé dans le conte du Graal alors que c'est pas le cas justement. En tout cas, je vous conseille de le lire si vous le voulez. Si ça vous a donné envie, c'est peut-être pas forcément pour vous. Moi, c'est un des livres arthuriens que je préfère de tous ceux que j'ai lus. Je trouve qu'en termes d'unité, de taille, etc., c'est un bon équilibre. Et je trouve qu'il y a tellement de scènes marquantes et bizarres. Et puis, il y a un peu d'allégorie que je trouve pesante, comme dans la quête du Saint Graal. Mais je trouve qu'il y a tellement de choses qui sont pas expliquées ou qui sont juste des images tellement vivaces. Genre cette dame qui a fait une guillotine, qui a inventé une guillotine pour tuer les trois meilleurs chevaliers du monde. Je veux dire... C'est tellement plein d'images mémorables que moi, c'est un de mes livres préférés de ce côté-là. Il faut dire aussi que c'est un livre qui est très bien écrit. Il y a une prose qui est bien meilleure que celle attribuée à Robert de Boron. Ouais. On n'est plus du tout dans la dimension du Merlin en prose qui peut être un peu lourdingue par moment. Bien sûr, c'est beaucoup plus innovant que le Perceval en prose. Et c'est beaucoup plus innovant que le Perceval en prose qui est vraiment... on est vraiment dans un français qui est assez boilé. Après, ça quand même, ça reste, même si c'est de la prose, ça reste assez difficile à lire en ancien français. Donc, bien sûr, pensez plutôt aux éditions traduites. Mais ça se lit très facilement, en tout cas. C'est long. C'est un petit bouquin massif, vu que c'est quand même assez dense. C'est de la prose. Ça fait... Ouais, vous avez 1000 pages avec traduction, donc 500 pages de texte. Après, ça se lit assez vite. Et c'est très divertissant. Donc, c'est vrai que c'est un de ceux que j'aurais le moins de peine à recommander. Typiquement, je ne recommanderais pas nécessairement à tout le monde de lire le Perceval en prose. Ou d'aller lire la pose les continuations. Ou les continuations qui sont, voilà, ce qu'elles sont. Par contre, le Père Lesvos, oui, En tant que roman d'intrigue, de setup et de payoff, pour prendre des termes anglais, mais de mise en place et de développement, de tension narrative, etc., je trouve qu'il marche très bien. Il y a beaucoup de choses qui sont surprenantes dedans, ou qui sont simplement, qu'on peut apprécier, de l'humour, ou de l'ironie, ou des développements moraux, des situations morales complexes, qui, en tant que roman, peuvent encore être appréciées aujourd'hui. Et c'est peut-être quelque part ce qui a signé, en fait, le fait que, il n'est pas tellement connu de suite. Ouais. Parce que c'est pas quelque chose qui, comme le Perceval de Chrétien, demande une suite. Il n'y a pas de tension à la fin, qui, à part peut-être celle entre Arthur, Lancelot et Clodas, mais c'est même pas si intéressant que ça. C'est vraiment, l'aventure est complète et il n'y a peut-être pas forcément eu le même souhait de finir ce récit-là. Finalement, c'est une alternative. Je crois que Schrubel parle d'une. C'est pas le seul, mais il parle d'une alternative au cycle. C'est-à-dire, contrairement au cycle, vous avez 5 volumes qui se suivent et qui font un tout en racontant différentes parties de l'histoire. Là, vous avez une histoire cohérente, mais qui couvre pas autant toute la durée de l'histoire arthurienne. Enfin, vous n'avez pas la volonté de faire la préhistoire avec l'histoire du Graal, etc. Elle est dedans, mais qui couvre finalement tout ce qu'il y a à couvrir de ce côté-là. Elle explore beaucoup d'aspects aussi. On trouve Lancelot, on trouve son amour avec Guenièvre, même s'il n'est pas explicitement montré. La plus grosse différence par rapport à la tradition des romans, c'est finalement l'absence justement de romance, l'absence de cette idée d'amour courtois est constamment renoncé, en fait, pour un idéal plutôt de chasteté. Et d'une chevalerie plus sainte qu'une chevalerie terrestre. Très, plus spirituelle. Et ça s'expliquerait peut-être dans le contexte de... On pourrait penser au contexte de croisade, dans lequel l'Occident est au fin du XIIe siècle, début du XIIIe siècle. Ce qui calerait assez bien, effectivement, à cette volonté d'évangélisation, de repousser le païen, le sarrasin et le ouais. juif, qui est assez marqué. Je crois qu'on va vous laisser là pour ce passage en revue du Père Lesvos. Avec un passage en revue, somme toute, assez long. Vous avez vu, hein, on a listé les épisodes parfois en passant très brièvement dessus. On vous encourage vraiment à aller le lire. Ouais. Et on vous souhaite en tout cas un bon premier anniversaire de Rexcon d'un Breakfast Futurus à vous tous. Merci de tous nous suivre et puis de nous encourager. On aime toujours vos commentaires, vos retours et puis ça a l'air de vous plaire. On aime que. On est encore désolé pour le titre de l'émission qui n'est pas évident à se rappeler comme le prouvent certains. C'est un événement récent. Vous pouvez aller en apprendre plus sur ceci en allant écouter l'émission infernale de Radio Kawa qui a eu lieu le 3 février à l'école multimédia à Paris à laquelle j'ai participé. Vous pourrez l'écouter vous pouvez voir sur le stand de Radio Kawa. Donc désolé, mais un peu tous les noms, c'est ça qui est dommage avec les trucs arthuriens, c'est que tous les noms sympas sont déjà pris et nous on en a pris un de plus, donc voilà, tant pis pour le futur. Mais on voulait éviter la confusion et malheureusement ça aboutit à un nom pas forcément très pratique. Voilà, pour rappel, nous sommes une émission produite et réalisée grâce et par Radio Kawa. Vous pouvez aller soutenir Radio Kawa sur le Patreon de Radio Kawa. Tous les détails sont sur radiokawa.com, K-A-W-A, hein, pour ceux qui ne suivent pas. Et nous étions là, ici Antoine, prêts pour une nouvelle année riche en découvertes arthuriennes. Encore plus. On espère avoir annoncé le temps avec Par les autres, parce que là, l'année passée, c'était quand même assez soft. Hein. Là, on va essayer d'aller dans le plus bizarre, dans le plus étrange, dans le plus inattendu. Et on espère qu'on va découvrir ces terres inconnues avec vous au fil de cette année et des années suivantes, peut-être, si vous le voulez bien. À très bientôt. À très bientôt.